Vous suivez Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de mes multiples projets? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonsoir à tous, chers auditeurs, et bienvenue à l'épisode 160 de chez Papa Cassette. Hey! Ça va, JF? Ouais, toi? Yes. Donc, 160 numéro 1 comme un facile run tongue nut. Le bon run. Il a déjà joué pour le Canadien, on l'oublie si vite. C'est vrai. Et puis, on reste dans les gardiens pour 60, mesdames et messieurs, avec José Théodore. Ah, ben oui, et monsieur voilà. Propecia. Propecia. Propecia, c'est pour ça qu'il prenait là, la fois pour les pertes de cheveux, là, puis que... Il avait été flagué pour doping, quelque chose. Là. Ah ouais, my God. Moi, il me semble que je le flaguerais pour autre chose de plus que des cheveux. Ouais. Pas son père, t'es pas un Shylock à lui, hein, prêter de l'argent. Ouais. C'était pas un prêteur usuraire. C'est vrai. C'est il vrai. Me semble. C'est ça. Le merveilleux monde du hockey. On va saluer d'ailleurs les gens dans le chat qui nous ont très, très vite flagué que le son était défaite en fait. Là. On a reparti le spectacle. Il manquait d'estricité, fait que ça fait ça des fois, il y a des settings qui se pètent. Là. Il manque beaucoup d'estricité ici dans les schlags. On dit, salut tout le monde, il y a plein de monde qui sont là, SS Frank, Gizmo, Carl le Duc, Max Geek, Soulard23 est là, Simon, Legend of la Lune est là. Legend of la Lune? Ah oui, c'était dur à lire, mais oui, ouais. On dit belle playlist, Jeff. Merci beaucoup. On la met dans le décor maintenant. Je jouais avant que Dom se pointe au studio. Oui, c'est ça que je me pointe à la dernière minute. Je replace pas Legion of la Lune. Salut, Jim. Yes. Il me semble que je ne l'ai pas vu parler souvent. Alors, bienvenue dans place. Là, on voit que Simon 16 est là. Justement, en parlant du loup. Hey, puis il vient d'en dropper un autre. Bon, c'est Théo et Paris Hilton. Ah oui, Paris Hilton. Je me rappelais pas. Hey, ça fait longtemps de ça. Aïe, aïe, man. Quel Théo, esti. Théo. C'est trop compliqué, ces petits gars-là. Là. Ça fait du trouble. Remplacez-moi ça par des petits nerds. Là. Motambo. Exact. Comme des Motambo. Motambo. Pas bobo, là. Sort pas d'un un peu grassouillet, là. Ouais, c'est ça. Bon, fait qu'en parlant du loup, justement, Simon, des nouvelles de Simon Pellerin. Ceux qui ont suivi les publications de Papa Cassette et les podcasts, bien sûr, savent que Simon travaillait aux éditions de l'Homme et puis il nous envoyait des livres. Oui, qu'on aimait beaucoup recevoir. On avait plein de livres. On en a une petite bibliothèque là, hein? Dans le coin. Penche-toi donc, JF. Ah ouais, c'est ça. Tu vois, on a une petite pile là. Ça, c'est tous des cadeaux, ça, des auditeurs. Et puis, la pile des cadeaux d'auditeurs. Oui, hein, mais j'ai encore aussi. Des livres et des tomes. Ah, le skate, ouais. Le skate ça Game devrait Boy, être ça, en fait, mais la fait déco du studio, ça serait juste les cadeaux des auditeurs. Fait un skate et des livres. Exact, mais des tomes. Des tomes. Fait que c'est ça, donc on rigolait avec Simon. Simon, on voulait, parce qu'il a vu qu'il nous donnait des affaires de son travail, puis il a changé de travail, donc on voulait qu'il nous donne des affaires de son nouveau travail. Alors, il me dit « Merci d'avoir répondu à ma question au dernier show, question du public. J'aimerais bien vous envoyer des trucs gratis de ma nouvelle job, mais comme je suis rendu fonctionnaire fédéral dans un dépôt d'approvisionnement de l'armée, ça serait dur de vous envoyer des vieux boulons d'un tank des années 70 qu'on envoie se faire détruire. » On peut avoir des douilles de balles de fusil ou quelque chose? Chris, man, ça existe ça, cette job-là? Mais c'est ça a l'air. OK, guys, on a trop de souvenirs de la guerre. Il faut démolir les vieux tanks, faut, les vieux avions. Faut enterrer notre passé, là. C'est pas très reluisant. Là. C'est ça. Où est-ce qu'on envoie les écrous? Où est-ce qu'on envoie les obus? Quel job fascinant. Wow. C'est, en tout cas, on en prendrait là, du matériel militaire, peut-être pour se bâtir un petit surplus de l'armée là, dans le bas de la rue. Ça, tu dis le AI va tout nous remplacer, mais t'as un gars qui gère les boulons de l'armée. Là, là. C'est ça. Difficilement remplaçable, ce Simon, lui qui gère la guerre, la vieille guerre. Le gars qui gère la guerre. Je trouvais ça bien comique. Fait que j'espère que c'était pas un secret parce que maintenant, tout le Québec est au courant de ça. Il l'a posté quelque part? Non, il me l'a écrit en privé. Ah! Il l'a-tu posté quelque part? Il me semble que je l'ai lu moi aussi. Ah ouais? Ça vient du YouTube probablement, là, du commentaire YouTube. Ah oui, c'est YouTube. OK, c'est public, on est good. C'est beau l'armée, vous pouvez retourner chez vous. Hein? Back up. On a bien les affaires en spectacle aujourd'hui. J'ai une critique, j'ai plusieurs jeux de collection, puis même j'en ai eu d'autres. T'sais, toute la journée, je t'en ai renvoyé. Puis là, à 4 heures, on a fait du rachat en bas. Je suis comme, oh my God! Ben là, j'ai veillé trop tard. On aurait pu le payer. Ouais, ben c'est pas grave. Puis toi, t'as des, tu vas nous parler d'arcade de trackball. Ouais, ouais. Mon top de trackball est prêt. Les gens aiment les tops. On vous donne deux top 5 aujourd'hui. Hey, c'est malade. Puis je veux parler d'un game chasing que j'ai fait à Thetford. Thetford! Que vous avez vu. Mais avant ça, Jeff, tu avais des nouvelles de tes arcades chevaux. J'ai fini mes hacks. Oui. Complet. T'es un vrai pirate. J'ai tout réussi à faire, ce qui marchait pas aussi. OK. Le volume marche maintenant. Sur, là, rappel aux j'ai gens. J'ai une arcade one-up de Golden Tee, donc avec une trackball, une boule. C'est un jeu de golf, ça. C'est un jeu de golf, vous allez voir tantôt. Et j'ai une Bandai Namco Legacy, qui est une machine à l'effigie de Pac-Man, donc jaune, là, avec le logo de Pac-Man sur le côté, qui permet de jouer à des jeux avec un joystick, trois boutons. Fait que, tu sais, les vieux jeux classiques, les shmup et les vieux jeux classiques, là. Ouais. Pac-Man, Galaga, tout ça, là. C'est ces jeux-là, donc... dans les deux, j'ai mis des mini PC. Dans les deux, j'ai plugué des amplis pour plugger sur les speakers. J'ai découvert que dans la Bandai Namco, il y avait deux speakers. Fait que j'étais en stéréo. Ah ouais, hein? Ça crache, mon gars, là, jouer à Batsugan là-dessus. Là. Oh, hostie. On-off qui fait le office de mute, des mute. Ouais. Puis mon volume qui marchait pas l'autre fois, là, il marche. Fait que je peux faire plus. Fait qu'il fait 25% de volume, 50, 75, 100. Il revient à 25. Fait que je peux comme incrémenter ou le mettre moins fort. Puis j'ai mis une belle switch en arrière, tac, là, comme on parlait. Là. Ah ouais, ouais. Comme une vraie arcade là, qui c'est clac. Ça, ouais. Parce que j'ai mis une combinaison de boutons pour fermer l'ordi en tant que tel. Puis là, quand il est fini, je vais fermer la marquise et tout le reste. Je ferme le power en arrière. Là. Oui. Mais ça avec du beau tape réversible Gorilla. Là. Ouais. Je connaissais pas ça. Tu me disais que ça colle beaucoup, ça. Je savais pas que ça existait non plus. Gorilla, j'imagine que tu connais la marque de colle Gorilla. Mmh. Je connais juste 3M, moi, dans le tape. Ben la colle, mettons, liquide Gorilla, ça, tu mets ça, ah. Ton doigt, il s'enlève pas de où ce que tu le mets. Fait que c'était un peu ça, c'est que les autres, c'est la colle la plus puissante qu'il y a pas, je pense, là. Calice. Mais c'est un tape que tu sais, tu colles sur ce que tu veux mettre, parce que t'enlèves l'autre face, puis tu le colles. Ouais, ouais, les double face. Hein. Ben, je l'ai mis, et ça s'en ira jamais d'être là. Si je veux que ça parte, il va falloir que j'arrache le bois, je pense. C'est ça. Mais ouais, fait que là, j'ai deux arcades bien complètes. Puis là, je me suis rendu compte que finalement, ma centipède que j'aime beaucoup pour le design, ben, me sert plus à rien. Ouais, c'est ça. Fait que c'est une trackball dessus et un spinner. Tous les jeux que j'avais sont rendus sur l'autre. Fait que si quelqu'un dans le chat ou dans les auditeurs veulent m'acheter ma centipède, ma vente. Il y a beaucoup de monde dans le chat là, qui capote sur ton tape. Best tape ever. Ouais, c'est ça. Ça peut tenir ton enfant sur le mur. Je l'utilise partout. Best tape ever. Demande quel événement à venir de lutte me conseille-tu sur SummerSlam qui s'en vient bientôt. Là, effectivement, toujours intéressant d'écouter SummerSlam. Ah oui, hein. Ben c'est un... je vais l'écouter. C'est gratis. Ben ouais. Netflix. Ouais, Simon Pellerin qui dit qu'il sert le Canada et les Canadiens. Voilà, c'est ça qu'il fait. Fait que ouais, j'ai deux belles bandes d'arcade maintenant. Donc, full trackball puis full shmup. Là. Je me suis même permis quelques jeux 4-3 dans mon 3-4. Fait que j'ai un petit mini dans le milieu. Là. Ouais. Mais tu sais, pour des jeux, le genre, si je veux avoir la tune de City Connection, mais là, je peux le mettre très très fort avec mon speaker. Ben, tu pourrais aussi mettre ça sur ton ordi. Oui, mais c'est celui à l'arcade, il y a quelque chose. Il y a un petit plus, là. Ouais, ouais, ouais. Mais non, là, ce que je veux, c'est justement vendre ma centipède, puis je vais m'acheter probablement une Street Fighter, qui est des deux sticks, 6 boutons chaque. Oui. 4-3, faire une arcade dédiée à des jeux co-op versus là, de combat. Narc et tous ces beaux jeux-là. Exact. Là. Ben, plein de jeux classiques qui se jouent à deux. Là, ben, j'hésitais, j'étais comme ça ou je me pogne une avec un volant. Mais là, je me disais, ah, mon gars tripe tellement ces jeux de char qu'il va me demander un volant de PC maintenant. Ok, ok. Fait que c'est ouais. Sûr, je trouve ça bien d'aller rester dans les arcades là, classiques. Là. Arcade de gun, sinon? Y en a-tu qui sont sortis? Je pense qu'il y en a qui sont sortis. Ouais. Je sais pas, mais Ellie, il en avait bâti une. Il avait ouais, ben, des guns. Il a pu patenter des guns avec des light guns avec un PC. Ça, je pourrais le faire. Là. Ben non, mais c'était pas propre. Ouais, moi je veux qu'il soit propre. Ouais, c'est ça. J'aurais une belle série, tu sais, Vertigo Shmup, Trackball, puis genre combat, puis là je suis comme, ok, ça c'est assez. Ouais. Et la Casino Kate dans un autre coin, c'est un autre projet, ça. Ça c'est un autre affaire, ça c'est pour c'est un autre budget. C'est pour maintenir la maladie. Je peux pas amener ça chez nous, mon gars. C'est quoi ce pack? Faut pas que j'y explique le gambling à cet enfant-là. Là. Mais c'est quoi exactement le Casino Kate? Ah, c'est une mini arcade, genre que c'est des jeux de slot machine, là. Pis, okay, okay, tu peux ramasser de l'argent et des points, puis ça débarre d'autres jeux. De casino, là. Genre. Ah ouais, avec l'argent, tu unlocks d'autres jeux. C'est ça, il y a des jeux débarrés, pis tout, là. Hmm. Ouais, celle de Star Wars est vraiment, vraiment belle. J'aimerais ça l'avoir, mais. Parce que je l'aime, parce qu'elle a un contrôle particulier, là. C'est le genre de le volant. Petit volant, ouais. Mais très dur à trouver. Ah ouais? Ouais, maintenant, elle est discontinuée, fait longtemps, là. Matt Bonin avait une, je sais pas s'il l'a encore. Chris. Es-tu cockpit que tu t'assois dedans? Non, pas celle-là. Sûrement non. Pas, là. Non, non, t'es debout, là. Ok, ouais, ouais. Si c'est pas de la Street Fighter, je prendrais la Capcom vs Marvel 2. Elle est super belle, mais elle est chère, c'est une neuve, puis elle aussi est dure à trouver. Là. Ok. Il n'y a pas tout ça au Costco, ces affaires. Faudrait que je regarde, mais si je tombe sur une Street Fighter, ça va être la Street Fighter. Fais ça simple. Fait que m'enlever ma centipède, m'en mettre la Pac-Man sur le bord, parce que c'est la plus belle. Oui, le panneau sur le côté. Art, là. Ouais, c'est le plus beau side art, là. Ah, ouais. Centipède, elle me fait de la peine parce qu'elle est très, très belle, la centipède, là. Oui. La grosse bébite sur le côté, ouais, là. Ouais, cette bébite-là, man. Je travaille, puis je regarde tout le temps ça sur le coin de l'œil. Quel beau design. Ah ben c'est cool, man. Va falloir aller chez vous manger et jouer et perdre connaissance. J'ai reculé ça, là, puis là, c'est rangé. Là, tout est beau. Je suis comme, ah, wow. Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Bon, parce que t'avais... Je pense que t'étais occupé. J'ai passé un beau mois à bisouner là-dessus, puis j'étais bien content du résultat. Avec ton ami Lia. Lia. Roland Lia Tremblay. Lia Tremblay. J'ai atteint le maximum de prompt que je pouvais dire vocalement hier. Ah ouais, lui, il est comme buzzé. Comment, si tu veux plus, genre tu reviens au genre IA normal de voix ou tu payes le premium. Je suis comme, non. Ah, mais moi, j'ai fait ça l'autre fois. Je suis allé faire... Une vraie de Paperboy. J'ai mis Paperboy, mais... Ouais, c'est tellement c'est dur. C'est dur. Ça va vite. Je suis allé me promener en patin, puis à roue. Aligné. Tu fais encore du patin à roue aligné? Oui, j'en fais pour faire de l'exercice. Et puis, je jasais avec Lia de comment faire un musée de jeux vidéo en patinant. Là, je me dis, pourquoi perdre mon temps? Ah ouais, pourquoi pas double rentabiliser mon temps? Je fais de l'exercice puis je développe ma business en même temps. C'est super pratique. Ouais. Mais moi, j'ai un compte gratis. Fait qu'après 20 minutes, il a dit, là, désolé, on peut plus parler, il faut que tu payes. Ah, OK. Mais, man, il y a de quoi avec ça? C'est toi qui m'as donné l'idée, là, quand tu y jases là, tout le long de tes voyages de char. Tout, là. Ah, c'est un 30$ bien investi si tu prends le petit plus. Là. Ah oui, vraiment. On va le faire, j'essaie qu'on le rende ici. Ouais. Business. Parce qu'on va y arriver de toute façon, j'ai l'impression. Là, fait que je vais le payer tout seul quand je vais prendre celui de la job. On verra bien. Ça vous prendre ça payant. Si tu travailles avec professionnellement, faut que tu prennes le pro. Là. Ça vaut la peine. Là. Ben oui, ça vaut la peine. Il y a une c'est même pas cher, là. Business, c'est non, genre c'est... 25$ par mois. C'est ça. Moi, je paye 30, là, genre là. 25-30, puis ça fait une méchante différence. Là. Ah ouais. Je l'avais essayé, ça, genre sans payer, puis en payant, puis genre c'est deux mondes. Là. Ah ouais, absolument. Fait que je m'enligne là-dessus. Lil Mr. Rat Super dans le chat qui me demande si avec mes nouvelles mains opérées, je vais me réinscrire au hockey cet hiver. Je vais voir. Je voulais jouer au COSUM cet été. Puis là, je me suis dit, je vais me mettre en forme, je vais courir. Je sais pas, je l'ai raconté ici. Tu me l'as dit à moi, là, au fond, je sais pas si ça paraît, c'est chaud. Mais j'ai jamais couru, moi. Alors là, je me dis, je vais commencer ça, la course. Je suis parti courir. J'ai mis mes souliers de basket, là, des Jordan à 200$, là, tu sais. Puis j'ai couru trop longtemps. J'ai couru 45 minutes. Mais c'est bien trop, ça, là. Ben, ça allait bien, là, tu sais. J'étais pas essoufflé, vraiment. Mais, hey, man. Là, je suis revenu. J'ai été raqué pendant une semaine. Puis l'autre semaine après, mon genou s'est mis à faire mal. Puis là, ça fait 3 semaines, puis mon genou fait mal encore. Oh, je me suis blessé le genou, esti. Ah, c'est dur la course pour vrai. Ça a l'air niaiseux, mais c'est un des sports que tu blesses le plus facilement. Là. Ah, c'est calice. Moi, je faisais des périostites là, quand je faisais les demi-marathons. Oui, je connais ça. Ça faisait mal au tibia. En avant du tibia. Fait qu'en tout cas, fait que je me suis blessé. Fait que là, non, j'irai pas walker COSUM sur glace peut-être. Là, mais le j'ai besoin de sport, ça me manque. Mais un sport que j'ai fait, par contre, en fin de semaine dernière, c'est la chasse. La chasse? J'ai chassé les cassettes à tête ferme! Donc, vous avez vu, j'ai publié un petit vidéo de Game Chasing sur mon TikTok que j'ai republié sur Facebook et Instagram. Ouais, ouais. Et puis, là, c'est ça. C'est parce que mon beau-père s'est fait opérer au cerveau. Il avait une tumeur au cerveau. Et puis, les parents de ma blonde, là, ça fait une couple de semaines de ça. Mais là, il y a de la misère là, quand même. Fait que faut. Puis ma soeur, ma blonde a 2 sœurs. Et puis, toute la famille est à Saint-Joseph-de-Beauce. Ouais, ouais. Il y a juste ma blonde qui est à Montréal. Là, fait que, donc, elle descend régulièrement. Puis là, ben j'y vais avec elle. Fait que je passe le plus de temps en Beauce ces temps-ci. Fait que j'y suis allé en fin de semaine passée. Mais elle a passé toute la nuit avec son père. Et puis toute la journée. Fait que bref, j'étais comme tout seul dans la maison familiale. Puis j'avais tout un après-midi de libre. Fait que ma blonde m'a conseillé d'aller à Thetford. Et puis elle avait bien raison. Fait que j'ai pogné mon char. Puis je me suis enligné là. Puis j'ai arrêté. Vous irez voir la vidéo. Il est sur toutes les plateformes. Et puis j'ai arrêté au casse-croûte Dairy Joy. Non. Et puis où est-ce que j'ai été déçu de la poutine. Et puis je suis allé chez Free Game à Thetford. Ouais. Le Free Game, j'en avais parlé de celui de Saint-Georges quand j'étais allé l'autre fois. Chaque fois que je descends, je vais à celui de Saint-Georges. sauf quand je vais à celui de Thetford. Thetford, c'est un peu plus loin. Saint-Georges, c'est à peu près à une demi-heure de Saint-Joseph. Thetford, okay. 45 minutes. Mais j'aime mieux le chemin de Thetford parce que c'est mon enfance. Wow. Mais mes grands-parents, mes parents viennent de Thetford. Fait que j'ai eu beaucoup de plaisir à refaire le chemin. Je suis allé voir la maison de mes grands-parents aussi. Je la présente dans la vidéo. Et puis, c'est ça. J'ai rien trouvé au free game, mais il y avait du beau stock. C'était bien. Puis j'ai continué jusqu'à Black Lake. Ça, c'est le village, la ville après Thetford. Et puis, c'est collé. Là. C'est quasiment comme un neighborhood de Thetford. Là. Okay. Et puis, je suis allé au marché aux puces Equinox. Donc, ouais, tu sais, la vidéo qu'on a regardée ici l'autre fois, là, c'est ceux-là qui l'ont regardé. Et puis, c'est un vieux vidéo de rapport de chasse de l'Equinox. C'est genre 2013. Là, c'est ça. Fait que je suis retourné à l'Equinox faire la même maudite affaire. Puis, j'ai racheté des jeux Atari, des jeux Coleco. Les mêmes jeux. Puis, des vieilles crises d'affaires que là-bas, il y avait encore. Puis, je vais en présenter deux. au segment collection. Fait que c'était bien le fun. Et puis, merci dans le chat. J'ai vu vos commentaires tantôt là, par rapport à ça. Les gens, ils ont aimé. Tu sais, mon vidéo, man, il est cheap. Ouais, mais... Tu sais, il n'y a aucun professionnalisme là-dedans. Là. Mais la réception est le fun. Là. Les gens, ils ont aimé ça, je pense. Comme les streams de pauvres, les vlogs de pauvres. Tout ce que je fais, c'est pauvre. C'est tout pauvre. Tout ce pas là, c'est de pauvre. Exactement. Fait que ça faudrait que tu sois... Si t'avais été là tout le long, on aurait pu faire tout un footage puis tout un style d'affaires, ça aurait été malade. Mais en tout cas, ça sera pour une prochaine fois. Prochaine fois, je t'amène. On va se faire manger par les mouches noires à Thetford. des mouches d'amiante. Des mouches d'amiante. C'est des petites... Ils sont pleines de poils d'amiante. Ils donnent le cancer. L'amiantose. En métal. Une vidéo que j'étais en crise dans mon char. Ouais, j'étais pas en crise dans mon char, par contre. Si tu veux être un vrai vlogueur, faut que tu sois comme un gars qui est en crise dans son char. Ah, c'est ça qu'il veut dire. Je comprends. Ah, ben là, faudra. Faudra un jour. Ben, allez voir ça, c'est là. Et puis, je veux pas promettre que j'en ferai à toutes les semaines. Ben, je vais pas le game chase à toutes les semaines non plus, mais je vais essayer de me laisser aller un peu sur le TikTok. Puis, quand je juge que la vidéo est intéressante, je le reshare sur les deux autres places. Essayer de mettre ma personnalité un peu out there. Est-ce aller sur le TikTok? Oui, monsieur. Barbu de Ville qui vient d'arriver. Bonsoir. Oui. Bonsoir. C'est qui Barbu de Ville? On le connaissait. C'est pas. Hein? C'est pas Sébastien Barbu. Là, non, à chaque fois on dit ça, puis c'est pas ça. Ah, c'est ça, à chaque fois on dit ça. Ah, Chris, après les mouches à la place, voir les mouches noires. Fait que, that's it, on va aller en collection. En collection. C'est pas la meilleure tune. C'est pas la meilleure Jeff, maintenant, il est malade. Il est superbe. Il monte la musique pour les transitions. Puis là, on tombe sur un segment. J'essayais de faire du temps, mais là ça repart. On était presque collection. Bien timé. Là. Ah, il en manquait pas gros. Lil Mr. Rat Super dans le chat qui demande si on est content du travail de Kent Hughes. On va parler de hockey un petit peu. Nobson. On va parler un petit peu de hockey avant d'entamer les questions du public. On n'a pas le choix. Là. Ouais. Parce qu'il n'y aura pas eu de soirée du podcast. Puis on n'a pas couvert le repêchage finalement. Là, parce que non. Personne n'était disponible. Mais plein d'affaires qui sont passées. Chris, tellement. Yeah, j'ai comme. À chaque 5 minutes. Là, quelle belle journée. C'était comme un rêve. Fait qu'on commence en collection avec un magnifique jeu d'Atari 7800. Il s'agit, tu connais ça, JF, de... Ah oui, connais la mascotte. Bentley Bears Crystal Castle. Donc, on en a parlé dans notre épisode de Retour du WEG. Et puis, c'est Ellie qui avait acheté une Atari 7008 puis que ça venait avec. Et puis, pour faire une histoire très courte, Atari, dans des grands élans de bonnes idées de business, ont acheté le forum Atari Age. Ouais, ouais. Et sur le forum Atari Age, il y a plein de personnes, des homebrewers qui développent des jeux pour l'Atari. Alors, de temps en temps, Atari prend un de ces jeux-là et le publish. Et en font un vrai jeu avec une vraie boîte comme ça. Le gros kit en arrière, des petites manettes puis tout. C'est pareil si t'achetais un jeu d'Atari de 1981, ouais. Mais là. Fait que c'est absolument fou raide. Et puis, c'est un beau package, man. Puis, ce petit nounours-là, C'est pas le petit nounours burger City, c'est le petit nounours de Crystal Castles de l'arcade. Ouais, monsieur. Fait qu'ils ont repris ce petit bonhomme-là, puis ils ont fait un platformer. Ils ont même repris les gems qu'ils ramassent dans Crystal Castle dans le jeu. Oui, puis la bébite à gauche aussi est une bébite de Crystal Castle. On en parlera peut-être tantôt de Crystal Castle. T'as raison, ça va être un épisode très Crystal Castle. Crystal Castle. Fait que c'est ça, on a eu tellement de fun au WEG à jouer à ça, puis là, moi, vu que ma Atari 7800 est vraie, elle vient, je peux jouer avec des manettes de 2006 dessus. En fait, on aurait pu avec l'Atari à Ellie aussi. C'est juste qu'on les avait pas. Fait que bref, là, ça, ouais. Là, je vais pouvoir jouer avec une vraie manette à joystick au lieu de la manette à deux boutons, puis peut-être je vais performer plus. Ouais, c'est vrai. Fait que voilà. Donc, je voulais l'acheter sur le site de Atari et j'ai commandé d'autres choses de Atari, mais j'ai rien pu commander direct sur le site d'Atari parce qu'on est au Canada et ils le permettent pas. Alors, t'as pas le choix de passer par Amazon et ça a coûté juste 40$. Ce magnifique jeu. C'est 40$, il te les crisse d'en face. Ah, prends-les toutes. Prends-les, j'en veux plus. Tiens, 40, donne-moi 40$, là, puis prends ça. Fait que, man, je capote. Pourquoi j'ai pas acheté ça avant? Je sais pas. Tu sais, quand c'est beau aussi, notre gameplay, puis notre caméra, j'ai trouvé un affaire pour faire les coins arrondis pour pas qu'on bleed de ses côtés. Ah oui, je comme te la dis dernière tantôt, fois. Off-mic, off-cam, mais je te le dis live, on est maintenant bien là, arrondi. Ah, c'est. On déborde pas. Yep. C'est beau. Chris, la qualité ici. Toutes les shows, quelque chose qui s'améliore un petit peu à la fois. Alors là, je vais présenter deux jeux Atari 2600 qui proviennent de l'Equinox de Thetford, de Black Lake. Donc ici, on a Earth Attack. Donc, juste, je vais rappeler aux gens, là, Jim Gendron dans le chat, si tu as une 2600 plus, tu peux jouer. La nouvelle que Atari ont faite, tu peux jouer avec un jeu de 7800. Mais si t'as une 2600 normal, tu peux pas. Malheureusement. Là, tu me dis de machine 7800 à plus encore, c'est ça? Ah, ben, tu faut devrais. Les vacances s'en viennent, ça va arriver, là. On va me revenir avec ça en dessous du bras, maintenant. Fait que c'est ça. Donc, ce que vous voyez à l'écran ici, cette horreur, en fait, Zellers, à l'époque, ont bootlegué des jeux Atari. Donc, ils prenaient un jeu, n'importe quel, puis ils crissaient ça dans une cassette, puis ils mettaient un collant sur le cover, n'importe quel. Et puis, ils ont fait des boîtes comme ça, qui appelaient 2600 compatible pour dire que ça marchait avec l'Atari 2600, c'est écrit dessus. Ils utilisaient la fonte en bas ici, la fonte typique de Atari quand même. Et on peut voir ici dans le coin, c'était vendu chez Zellers, ça se vendait 7$, puis ils mettaient même pas ça sur les tablettes, ils collisaient ça dans des bins, là, des bacs, là, tu sais, en pile-mail. Fait que il existe une vingtaine environ de jeux Atari 2600 Zellers. Moi, je les ai tous, mais quand ils passent en boîte, je les ramasse pour le fun. Et puis, Earth, donc, on sait jamais qu'est-ce que tu vas... Parce que regardez en arrière, il y a rien. Tu fais juste répéter. Donc, on sait pas c'est quoi le jeu. Tu sais que ça s'appelle Earth Attack, puis tu as ce bonhomme-là. Fait que là, tu dis, bon, ben, j'espère que c'est pas un jeu de... Fait que dans ce cas-ci, c'est Defender. Donc, ils ont volé Defender et ils ont fait ce jeu-là avec. Donc, au moins, avec le titre Earth Attack, t'es pas loin, tu sais. Ouais, tu t'attends à un shmup, quelque chose du genre, là. Exact. Mais moi, il y en a un, ça s'appelle Challenge, là, puis sur le cover, c'est les Ghostbusters, mais le jeu à l'intérieur, c'est comme un caneton là, qui fait des astiques, c'est du mensonge, là, puis moi, je l'avais joué là, en plus. Donc, fait que voilà, je dis que je l'ai payé 30$. Le gars, il vendait 50$, et puis, tu sais, j'ai acheté plein d'affaires dans ce game chasing-là, fait que je me suis attribué 30$ chacune, parce que j'en ai un autre après que je vais vous montrer, pour ces jeux-là. Puis j'avais oublié de le mentionner. J'avais oublié et j'ai redécouvert que aussi il l'écrivait en dessous avec... comme ça, là, avec les collants, là, qui... les guns à collants font des lettres, là. Ils l'écrivent de même en dessous. C'est legit, ça. Il est scellé, ce jeu-là. Là, il est perforé, là. Ouais, mais il est quand même pas ouvert. Mais il est pas ouvert, puis ça venait comme ça, là. Tu vois que c'était fait très à la main, là. Ah ouais, c'est très... c'est spécial. Et puis l'autre que j'ai trouvé au Equinox, ben c'est Pinball. Oui. Et puis là, tu dis. Du gameplay. Pas. C'est vrai, carré. C'est Pinball, c'est un carré. Horizontal. Même pas. C'est pas un rectangle vertical. Non, c'est carré, là. C'est un 4-3 Pinball avec des bumpers carrés. Ah ouais, c'est insane, man. Mais moi, je l'avais ce jeu-là, puis ma grand-mère l'avait, puis toute la famille jouait beaucoup. C'est quand même le fun. Une pinball avec des escaliers dedans, c'est quand même fou. Ah oui, c'est tellement pas fait de même, une pinball, c'est fascinant. Mais il est quand même pas pire, ce jeu-là. Fait que that's it. Donc vous voyez ici sur le cover quelqu'un qui joue à une arcade, mais ça s'appelle pinball. Fait que ça fait du sens. Et puis en arrière, bon, on répète la même chose. Il échappe ses tokens. Il échappe ses tokens. Pinball. Je veux juste lire ici ce qui est écrit. Atari et Video Computer Systems sont des marques déposées d'Atari Inc. Atari, OK. Importé par Zellers Inc. Montréal, made in Taiwan. Importé par Zellers Montréal. Wow. Ouais, Zellers Montréal. Montréal. Montréal, Québec, man. H4. Avec, Il y a le reste de chez quelqu'un. Fait qu'il y a un Zellers. Ouais, il y a un Zellers Montréalais qui s'est lancé là-dedans, I guess, puis il fidait les autres Zellers parce que moi j'ai vu ça aux Zellers de Thetford. Là. Est-ce que quand on parlait de Microgenius puis c'était du monde qui avait importé du stock, c'est genre un peu la branche Zellers de Microgenius, là. C'est... même genre, même genre de raquette. Ah ouais, ouais. Ti-Louis. Oui. Monsieur Racket. Max dans le chat qui dit qu'il a essayé des jeux Atari récemment et trouvait ça affreux sur une télé moderne. Vous jouez avec une cathodique ou vous êtes habitué? Moi, je joue avec une cathodique, en fait. Là. Ma bonne vieille de flat Toshiba. Oui, monsieur. Fait que, j'ai deux autres jeux à vous présenter. Deux jeux Switch. On y va. À la dernière minute, ouais. Hein? Hein? T'es-tu correct? On non, vas-y. Ouais. Non, j'ai dit deux jeux qui se sont rajoutés à la dernière, minute. Ouais. Donc, ici, Valis 3. De Fantast Soldier Collection. C'est écrit en japonais, là. Donc, êtes-vous chinois ou japonais? ça, c'est dans King of the Hill. En québécois. C'est quoi qui dit? Ah non, je me rappelle plus. T'as passé 10 minutes à parler avec un chinois. Ça, c'est Elvis Gaston. Non, je suis... J'habite à Brossard depuis 10 ans et je viens du Laos. Donc, êtes-vous chinois ou japonais? Ça revient, ça, King of the Hill. Ouais, je sais, ça c'est revient. C'est vraiment weird. Ah ouais. Donc, Limited Run ont repris tous les jeux Valis et il y a eu Valis 1, la compile Valis, Valis 2. Là, je ne me rappelle pas. Il y en a qui ont des compiles parce qu'il y a des variations de chacun des Valis. Là, je ne me rappelle plus ce qu'ils ont sur les deux premiers jeux. Ici, Valis 3, il y en a une coupelle dessus. Et puis, Datit, ça vient d'arriver aujourd'hui chez Retro MTL. Nous autres, on a commandé ça, man. Ça fait au-dessus d'un an. Là. Ça a tellement été long, là. Puis, si vous avez regardé les posts de Retro MTL aujourd'hui, c'est ça, on a fait une publication de Limited Run. C'était tout du stock, là, qu'on est. Hein? On a reçu. J'en reviens pas, tu sais. Ah oui, j'ai reçu une autre affaire aussi, j'ai oublié. Je vais vous montrer qui s'en vient. Donc, voilà. Valis 3, dont une belle compile. En fait, c'est tout écrit ici. Bon, c'est écrit en japonais. La trilogie de Valis. Mais là-dessus, il y a Valis 2, il y a Valis 3 et Super Valis 4. Il y a les deux premiers, c'est écrit en japonais, je ne suis pas capable de lire. Ah, ben non, c'est écrit ici. OK, je vais vous le dire. Valis de Fantast Soldier sur PC 88. Ah, PC 88, c'est écrit en dessous. Ah ben, on le voudrait là à l'écran, justement. Oui, il est en train de dire les jeux de la compil 87. Je sais pas quoi. Ensuite... Valis de même, le même jeu, mais au Family Computer, au Famicom. Ensuite. Ah ouais, puis il était très en demande, il paraît, celui-là. Au MSX2. Ouais, Valis 2 au MSX2. Valis 3 sur Genesis. Et Super Valis 4. S'ils disent pas, c'est sur quoi ça? C'est peut-être un nouveau jeu complètement. Qui sait? Qui sait? En tout cas, On les a vus pendant que tu es présent, t'en parlais. Super, tu vois, il est là. Ah, il est là, ouais. Il y en a un Super Valis 4 au Super NES, c'est peut-être lui. En tous les cas, cela coûte 75 tomates pour toutes ces belles valises-là. Ils nous prennent-tu pour des valises? Ouais. Jean-Gabriel Harvey qui dit que Super Valis 4 sur Super Nintendo. Ouais, ça je sais, mais je me demandais s'il y en avait un autre ailleurs, là, tu sais. Et là, on s'en va avec le code très beau. Ça te va te chercher direct. J'ai failli passer avec tantôt avant que t'arrives. Ah, c'est ça, hein. Batsugun de la série Saturn Tribute Boosted sur Switch. Ça coûte 50$. On avait juste deux copies ici. Ça les vaut amplement. Hein? Oui. Un des meilleurs shmup bullet hell vertical au monde et l'un des plus accessibles aussi au niveau du gameplay. Et puis, moi, j'avais déjà ça en import depuis un bout. Là. Puis là, ben, cette version-là vient d'arriver. C'est soudainement disponible. Puis on n'avait pas beaucoup. On n'avait rien que deux. Je ne sais pas si on va être capable d'en ravoir. Mais voilà, c'est absolument magnifique. Ah, c'est là, beau, là. C'est vraiment un bon schmuck. T'as des belles stats sur le side, là. Ah ouais. Hein? Non, c'était un beau produit. Puis je recommande ça à tout le monde qui veut jouer à des schmucks. Ça, c'est un autre top à moi, Pierre. Ouais. Ah, vraiment, là. En parlant de schmuck, là, c'est la vente Steam Summer Sale présentement. Fait que c'est les rabais de fou. Pogné Ikaruga à 2$. À un moment donné, là, genre, ça fera. Ça va être ça, là. Moi, le prendre. T'aurais pu t'acheter une GameCube et à 120$ et le jeu à 200$. À quoi j'ai pensé? Mais je pense qu'il est autour de 100$ Karugas GameCube. Ou t'aurais pu t'acheter un Dreamcast japonais. Oui. Et les Karugas japonais. Tout ça, t'aurais pu le faire. Ça aurait pu se passer. Mais tu l'as acheté à 2$ à la place. Ouais, juste pour pouvoir le jouer au WEG à un moment donné. Exact. Et là, j'ai un dernier objet qui est venu dans la commande Limited Run qu'on avait commandé aussi il y a très longtemps. Ouais. Je vous montre ça. On va mettre le prix à l'écran tout de suite, le temps que Dom présente l'objet. Blastman qui se joint pendant ce temps-là. Alors, il s'agit d'un Skate Castlevania Advance Collection. Donc ici, on a... comment il s'appelle, ce petit bum-là? Nathan de Circle of the Moon, là. Nathan Drake. Nathan Drake, ça, c'est dans Uncharted. Ah oui. Mais il s'appelle Nathan, me semble, ce petit jeune-là. Nathan le croque-mitaine. Alors, je vais essayer. Je vais passer le skate ici. Puis vous allez le voir. La première fois qu'on passe un skate ici. Dans c'est la deuxième fois qu'on passe un skate. Hey, c'est beau. Regarde-moi ça. Puis il y a le logo ici dans la fin. Castlevania. Pour en faire des beaux ollies avec ça. Peut-être tu peux remettre la caméra. Oui, on va revenir puis on a fini. On va comme ça, ils vont le voir mieux. Très, très beau. Du beau bois. Fait que c'est mon deuxième skate. J'ai chez moi aussi un skate de Shantae's Risky's Revenge que j'ai acheté use à quelqu'un du CCJVQ. Puis très content, man. Moi, les skates de gaming, c'est beau, ça me parle. Fait que je vais le déballer puis je vais l'accrocher à mon mur, mais je vais pas skater avec ça jamais. Ben non. Ça doit être de la marde, là, toute façon. Oups, pète la caméra. Ça doit être... ça doit être de la marde, anyway, comme qualité. Un casse en deux. Mais c'est très beau, fait que voilà, très content. Et voilà. Merci. Je pense encore une fois une très mauvaise transition sur la musique. Ah ouais. Ah, c'est bon. C'est bien bon. On prenait pas le temps quand on faisait le tour d'écouter les tracks vraiment. Là. C'est vrai. Ce qu'on parlait tout le temps. Chris. Hey, c'est bon. On arrête le show. Ouais, j'écouterai ça en travaillant toute la journée. Je pense que ça pourrait changer. Tu sais que je prends mes tracks que je les mets. Ouais, moi aussi, hein? Je pourrais bien écouter ça. Il y en a aussi un avec le collecteur de Tony Hawk Pro Skater 4 et 3. Nice. 3 et 4, ouais. Ah, ben, je savais pas ça. Je suis rendu à combien de planches de skate dans ma collection? Ah, juste deux, le Shantae et celui-là. Là. Bah. Mais j'ai liké des pages de vieux skates sur Facebook. Des vieux, là, ouais. les gros, là, tu sais, quand Tony Hawk avait 15 ans, là, tu sais, puis tous ces old school vieux decks, là, c'est tellement beau. Mais ça, c'est comme, je me retiens, enfin, je pourrais partir là-dedans, puis me mettre à chasser les vieux skates, puis vouloir aligner ça sur mon mur, là. Ça, c'est une autre maladie, ça, je trouve ça, j'aime cette époque vintage de skate, là. Beaucoup t'es cher très vite, par contre, si tu tombes là-dedans. Là. Et ils prennent beaucoup de place. Oui, aussi. Ouais. Fait que voilà, donc je vais faire ma critique, oui. Ouais. Et après, ça va être toi. Si tu veux, vas-y. Oui. Allons-y. Ben, ou tu préfères-tu toi? Ouais. Non, je le dois sur ton piton de fiche technique, bon, si tu veux. OK, d'abord, on s'en va parler de Chronicles of the Wolf, un jeu qu'on a reçu la semaine dernière, il me semble, ou ça fait vraiment pas longtemps. C'est développé par Migami Games, publié par P-Cube, pis c'est disponible sur tout. Fucking tout. Vraiment tout, là. En fait... Oui, surtout. Même PS4. Pas Vita, par contre. Là. Oh! Oh! Calice. Fait que pas tout. Ils l'ont pas fait en physique sur PSP. Et puis, on est une petite gang là, qui attendait quand même ce jeu-là. Tu peux mettre le gameplay live là, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Qui attendait ce jeu-là parce que ça ressemblait à Castlevania. Ouais, c'est vrai. Vraiment, là. Et puis, là, on était tout excités là, de jouer Matteo Lombardo. Lombardi? J'ai Lombardi ou Lombardo? Faut aller tuer la bête de Gévaudan. Ce qui est drôle avec ce jeu-là, c'est que ça se passe en France. Fait que tout est en français. T'sais. Les noms sont tous en français. Yvonne de Lyon, puis tous des estimes noms. Là. Fait que ça, c'est bien. Exotique. Ah ouais. Make friends. With the dead. Wow. Puis c'est ça, là, ça avait l'air d'être un parfait Metroidvania et beaucoup ressemblait à Castlevania. Première chose, par contre, tu sais, je l'avais mal regardé, là, c'est laid. C'est un peu laid, là. Je trouve que ça fait... C'est pas si pire. Mais c'est pas si beau non plus. Non. Ça fait pauvre un peu, là. On va se le dire, là. Ça fait un peu téléphone, là, mais... Ça me fait penser à un jeu de DSiWare, là. Comme un jeu de DSi, là, tu sais. Ah ouais. Les jeux de Game Loft. Game Loft avait développé un Castlevania clone à l'époque, là. Je l'ai encore dans ma machine. Ah, featuring appearance de, d'une fille de Bloodstain. J'avais oublié ça. Ah ben, Chris... Je suis pas rendu là encore, alors. Puis, c'est ça. Donc, c'est laid. C'est pas bien beau. On va se le dire, là. Puis là, j'ai comment... Puis le bonhomme, il est comme raide. Puis mettons, les dialogues, les cases de dialogue avec le texte dedans sont comme flous un peu. Quand il y a beaucoup de bleu à l'écran ou quand il y a du bleu à l'écran, je sais pas comment le dire, hein, quand tu passes sur le menu, ça blink un peu, ça clignote un peu quand tu vas aller changer tes items. Je sais pas. Okay. Puis il y a des bébites, là, la goutte d'eau là, qui sort de l'eau et qui fonce vers toi. Quand tu es à l'écran, elle aussi, elle fait blinker l'écran. Okay. Ça a comme pas rapport. Ouais, c'est vraiment niaiseux. Les bonhommes sont stiff, ils sont comme raides. Là, sont... Les mouvements, c'est quétaine. C'est ça, là. C'est très amateur, là, au niveau du look et de tout ça. La musique est bien, là, tu sais, c'est correct, tu sais. C'est pas comme épique, là, comme Castlevania, là, justement, mais t'es dedans, là, pas pire, là. Donc, c'est, oui, tout à fait un Metroidvania. Au début, t'es dans la... Puis dans l'histoire, il y a une grosse bête, là, un loup géant là, qui terrorise tout le monde. Puis toi, t'es dispatché. T'es un membre de l'ordre, de, j'ai oublié le nom. Okay. Puis il faut que t'ailles régler son compte à ce loup-là. Puis là, tout ton team se fait tuer. Puis toi, tu survis. Fait que là, mais t'es un petit faiblard, là. Fait que là, tu te grossis, là. Tu pars de loin. Et puis... tu marches, tu rencontres les gens. Tu t'achètes des armes, t'en trouves. Et puis, tu builds de niveau. Il y a des sub-weapons comme Castlevania. Il y a beaucoup d'équipements. Tu équipes une épée, tu équipes une armure, tu équipes un casque, tu équipes des bottes, tu équipes un talisman. Et puis, les talismans ont des effets divers. Et puis, tu as des rings qui te donnent aussi genre plus de power, plus de luck, plus de gold, plus de... Ouais. Puis les bottes aussi, ils ont toutes des particularités. Il y en a qui te permettent de marcher sur l'eau. Il y en a qui te permettent de comme piler dans les ronces. T'sais. Ils ont toutes leur utilité. Là. Et puis, le jeu te prend pas tant par la main, à dire. Okay. Il te perd pas, là, mais des fois, je savais plus quoi faire. Fait que je refais la map au complet, puis je cherche, puis je parle à du monde. Mais j'ai réussi à déduire les affaires assez bien. Puis là, je suis rendu à ça. Je l'ai même pas fini encore, mais... Il n'y aura pas de show pendant un petit bout parce qu'on va être en vacances. Ouais, fait que je voulais en parler au moins avant de partir. Je suis rendu à 75%. Là. Fait que à date, j'ai pas eu besoin d'aller sur Internet. Okay. Mais pour faire un 100%, je pense qu'à un moment donné, ça devient tough. Là. J'ai vu sur Reddit. Là. Mais c'est pas pire. Là. Les fois que j'étais bloqué, j'ai réussi à me débloquer tout seul en prêtant un peu plus attention. Là, tu vas avoir un... au début, tu te promènes beaucoup dehors dans les villages, dans la forêt, dans les montagnes, dans la neige. C'est très dehors. Puis à un moment donné, tu vas débloquer la porte d'entrée d'un château. Puis là, ce château-là, il est comme 4 fois... 5... Moi, je pensais que dehors, c'était ça, là, le monde. Ouais. Mais le château dans lequel tu rentres, il est 5 fois la grosseur okay. du dehors, là, tu sais. Fait que j'ai fait le saut, puis là, je suis direct là-dedans. Là. Puis là, je suis faible, là. Donc... Mais là, je me suis beaucoup... Oh, c'est quoi ce système-là? OK, oui. Donc, je me suis beaucoup renforcé. Donc, c'est ça. C'est quand même plaisant là, de monter de niveau, trouver du nouveau gear et puis... C'est pas lassant, là, c'est... Non, c'est ça. Là. C'est très plaisant. Les boss, il y en a qui sont comme très ridiculement faciles parce qu'ils ont des patterns vraiment easy. Il y en a d'autres qui sont vraiment tough. Là. C'est inégal, mettons, à ce niveau-là. Là, il m'est arrivé de quoi de weird aussi. Il y a un squelette qui a droppé une arme, une épée, dans le château où est-ce que je suis rendu. Puis c'est pour l'instant mon épée la plus forte, mais c'est le seul ennemi qui a eu un drop. Okay. Tu sais, dans Symphony of the Night, il y a, mettons, qu'il y a une totalité de 100 monstres différents dans le jeu. Ils ont tous, chacun, 2 drops. Puis là, il faut que tu en tues 500 avant qu'ils te droppent la grosse épée, mettons. Mais là-dedans, random, il y a un squelette qui m'a fait un drop d'épée. Puis cette épée-là est super forte. Puis j'ai jamais personne qui m'a droppé d'autre quoi que ce soit. Okay. J'ai fait 75% du jeu. Fait qu'il drop de l'argent, là, mais pas des armes, bizarre, des affaires spéciales. Là, fait que ça, c'est très bizarre. Il y a beaucoup de slots pour d'armes et de tout ça. Donc, j'ai comme l'impression qu'il y en a. Peut-être qu'il faut essayer de savoir quel ennemi pourrait en dropper. Puis il y a du monde caché qui en vendent des affaires. Là. Fait que c'est ça. Donc, il y a. Pour vrai. Moi, au début, ce jeu-là, j'étais comme, t'sais, c'est dégueulasse, là. C'est pathétique, t'sais, c'est très amateur. Ouais. Mais là, je suis accroché, là, solide, là. T'sais, j'ai pris goût, puis le gameplay est correct, là, même si c'est pas malade, là. T'as des slides, t'as des dashs, t'as des double dashs, t'as des jusqu'à triple jump. OK. Ouais. Ton arme spéciale, ton arme de base a une attaque spéciale que tu peux craquer. Les sub-weapons ont des attaques spéciales. Comme t'as un punch à terre, tu varges à terre, ça fait trembler, puis là, ça peut faire mal ou débloquer des passages. Pour vrai, t'en as des affaires là, là-dedans. Quasiment trop. T'sais. T'arrives au boss, moi, je me dis, il y a donc, mais qu'est-ce que je peux faire déjà? Je me rappelle plus. Mais il y en a beaucoup. Là. T'utilises pas toutes. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a des boss qui étaient tellement rushants que là, je me dis, là, je vais retourner lire là, mes gros pouvoirs, utiliser pour vrai. Puis, OK, ça valait la peine. Là, t'sais. Fait que c'est ça. C'est intéressant. J'aime les niveaux aussi. T'sais, mettons, il y en a un, c'est un hôpital. Un hôpital abandonné. Il n'y a jamais ça, un hôpital abandonné. Wow. C'est quand même nice là, comme thème. Et puis, dans le château, il y a des pièges. Il y a comme des morts que tu peux vivre, là, tu sais. Ah, ouais, OK. Ils te mettent tout le temps un save pas loin. Saver à chaque fois que vous voyez un save, là. Moi, je fais toujours ça. Puis là, mettons... Des morts spéciales à des places spéciales, genre? Ouais, c'est ça. Ouais, genre, tu rentres dans la place, puis là, tu regardes cette affaire-là. C'est quoi cette affaire-là? Puis là, ah, ça te tue d'un coup. Ah, ben, tabarnak. Fait que ça, c'est très drôle. Il y en a des drôles, là, tu sais. J'ai trouvé ça bien fait, là. Ces affaires-là, c'est le fun. Il y a un village qui est plus gros que les autres, puis là, il se passe bien des affaires dans ce village-là. C'est dans lui qu'il y a l'hôpital, mais il y a aussi un vampire dans la place, puis le couturier, quand tu descends, le tailleur, ouais. Il y a sa maison, mais quand tu descends dans le sous-sol, là, ça mène à une autre affaire, puis ce gars-là, il est méchant, finalement. Puis, tu sais, c'est bien fait, quand même, pour ça. Là. L'histoire est... Les bonhommes parlent, c'est laid. Il y a eu de l'effort, demi-dedans. Mais il y a de l'effort, tu sais, il y a vraiment de l'effort. Il aurait fallu que ce jeu-là soit comme plus beau puis plus tight, là, tu sais, puis enlever un peu trop de gogos. Mr. Ratsburg, il dit qu'on dirait un mélange de jeux de PC des années 2000 avec du GBA. Exactement, c'est ça. C'est weirdement... C'est pas dégueulasse, mais c'est pas à jour, tu sais. C'est pas à jour, c'est ça le problème. Oh shit, c'était quoi ça? Ah, c'est elle encore. Il faut que je l'ai pas vu. Donc, c'est ça. Alors, si au début, ce jeu-là, j'étais comme... Oh my god, on s'est tout fait avoir, c'est de la merde. Ouais. Mais là, je suis dedans, à côté, puis j'ai vraiment du fun. Puis tu vois le petit logo en bas à droite, Pixel Heart, là. Ouais. C'est eux qui font les copies physiques. Ils font des copies physiques, eux autres, de jeux, là. Puis souvent, les jeux qu'ils mettent physiquement sont pas beaux. Ah, puis okay. Parfois pas bons aussi. Quand tu vois ce logo-là, là, c'est méfie-toi. Check deux fois, ouais. Mais là, au moins, c'est le fun. Donc voilà, je vais essayer qu'on en recommande chez Retro MTL. On n'avait pas commandé tant que ça, on n'était pas sûr. Puis là, quand j'ai déballé ma copie et j'ai joué, j'étais crissement pas sûr. Mais là, je suis sûr. Il y a du fun à avoir avec ça. Voilà. Alors, pour toutes ces raisons, je vais donner un 3.5 pommes à Chronicles of the Wolf. Je l'ai pas fini, je vais le finir pendant mes vacances. Puis avant de battre le boss de fin, je vais essayer de me rendre là, le plus loin possible. Le plus fort possible. Oui. Hey, je suis complètement desséché, JF. Je vais aller me remplir un verre d'eau. Vas-y. Es-tu capable de... je vais parler aux gens, en fait. Là, je vous ai fait un beau... en fait, deux beaux top 5 de trackball. On parlait de jeux qui se jouent avec une belle roulette, dans le fond, pour ceux qui voudraient hacker les Golden Tee. À peu près les seuls que vous pouvez hacker. Vous pouvez hacker les one-up de Simpsons, qui a une roulette dessus pour Simpsons Bowling. Sinon, il y a celle que j'ai chez nous, la Centipede, qui a une roulette puis un spinner, vous pouvez hacker ça. Mais selon moi, les Golden Tee, c'est les meilleurs à hacker parce que c'est des grosses trackballs assez lourdes, assez solides, fait que vous pouvez vraiment jouer assez rough avec ça. Il y a deux versions d'arcade one-up qui existent. Il y a une version qui est celle que j'ai chez nous, la Golden Tee classique, et il y a une version pour la Golden Tee 3D. Celle 3D a un ou deux boutons de plus, ce qui n'est pas tant nécessaire, je pense, là, pour faire un hack de jeu de trackball, parce qu'évidemment, on joue beaucoup plus avec la trackball qu'avec des boutons. Dom est parti s'hydrater. Il va revenir bientôt. Fait que j'ai fait, comme j'ai dit, deux top 5. un top 5 de jeux qui vont se jouer single et un top 5 de jeux qui, je vais dire, vont se jouer en multi, mais c'est des jeux qui vont se jouer tour par tour. Donc pour moi, c'est des jeux qui se jouent en beer mode, entre guillemets. Donc ça va pouvoir vous permettre de boire une bière, vous rouler la bille et jouer à tout ça. Donc voilà, intermède musical pour quelques secondes. Pendant que Dom s'en vient. J'ai fait un petit un préambule et j'ai mis la musique. Parfait, Sophie. Voilà. Donc comme j'expliquais au monde, j'ai fait un genre de deux top 5. J'ai sorti mes notes, j'ai des notes en plus pour tous les jeux. C'est où est-ce qu'ils sont mes notes? Où est-ce qu'ils sont mes notes? Ouais, deux top 5. Donc top 5 de jeux single, donc des jeux qui vont jouer plus tout seul. Et top 5 de jeux beer mode. Oui. Fait que des jeux qui jouent avec une bière en main puis que tu peux jouer chacun tour par tour. Bon, évidemment, je ne mentionnerai pas Marble Madness. C'est en haut de tout ça. C'est vous faites le hack pour ce jeu-là, simplement. Et les gin tonic qui vont avec, évidemment. Oui. Bon, pas collection, c'est dans critique. Fait qu'on va aller dans les jeux en multi pour commencer. On commence par la série Golden Tee, évidemment, là, qui vient de base avec les one-up de Golden Tee. Il y en a 4, là. T'as 97, 98, 99, 2000 et Golden Tee 3D. J'expliquais au monde tantôt ça, il y a deux versions des one-up de Golden Tee. Il y a celle que j'ai qui est classique. T'en as une qui est pour la version 3D qui est un petit peu plus grosse. Le side panel est plus beau aussi. Il y a une grosse balle de golf. Là, okay, okay. Un bouton de plus, mais c'est une très bonne série. Là, ça. Nick l'avait couvert un petit peu quand il a parlé de Incredible Technologies. Donc, ah, Nick LaChapelle? Ouais, dans Retro Nouveau. Il avait God. Quand il avait parlé de Street Fighter, de Movie, de Game, là, c'était cette compagnie-là, en fait. Ah, ouais. Les graphiques digitalisés, ça vient de là, c'est parti de ce jeu-là, en fait. Là. Ben, ça s'adapte bien à ce jeu-là, par contre. Oui, effectivement. Donc, c'est un jeu qui est sorti en 89, le premier. Golden Tee 3D en 95. Donc, ils ont toutes fait les séries au début. Très populaire dans les bars, ce jeu-là, évidemment. C'est une machine que tu retrouves encore maintenant. Tu vas à Toronto dans les bars là, locales, puis il y en a souvent, là, des Golden Tee. Ça joue très bien. C'est pas rare, hein, pour vrai. Non, c'est vraiment. Pour Arcade MTL, quand on chassait les arcades, dans les entrepôts, partout, il y a tout le temps une Golden Tee quelque part, là, pour vrai. Il y en avait beaucoup de ça sur le marché. Donc, ça vaut pas cher. Là. Non, mais c'est un très bon jeu de golf. Là. C'est une bonne simulation. Ouais. Fait que, vous pouvez jouer jusqu'à 4 personnes en même temps, un après l'autre, évidemment. Là. Chacun a votre couleur de golfeur. Ouais. Donc, voilà, Golden Tee. Après ça, on s'en va ailleurs un petit peu. AmeriDarts, donc du dart. Calvaire, avec une trackball. Avec une trackball, donc développé par AmeriCorp en 89, sorti également. C'est un simulateur de jeu à fléchettes, donc tu as 5 modes là-dedans, là, donc 5 modes de jeu de fléchettes, si vous connaissez un peu les fléchettes. Là. Oui. Tu sais, Flash, ils disent Sector Shootout, 301 High Score, puis Cricket. Cricket. Bon, ça, vous pouvez jouer également à 4 personnes. C'est le fun, il y a des petites animations dans le côté, dans le panel à gauche. Là, il donne, t'as comme 10 secondes pour lancer ton dart. Puis si tu le fais dans le milieu, il va faire des petites animations. C'est très bien. Ouais. Ça se joue en deux étapes avec la trackball. Tu vas placer ton dart dans l'écran où est-ce que tu veux viser. Tu locks ta position, après ça, tu vas spinner pour la lancer. Okay. Dans le jeu de dart. Très simple, très très le fun. J'ai joué une game complète à 4 joueurs, moi tout seul, 4 joueurs parce que je testais le multiplayer. Puis je l'ai fait au complet. Puis à la fin, t'as une serveuse là, qui arrive avec genre des drinks, puis comme game over, puis je suis comme... Oh, là, elle est sexy, elle, là. Un peu sexy, là. Oui, effectivement, là. Wow. Puis, mais c'est bien, c'est très, très minimaliste. Il n'y a pas de musique là-dedans, il n'y a juste... Y a pas de son. Ah oui, il n'y a même pas... Il n'y a rien, c'est bare bones, ces jeux-là. Ah ouais, Golden Tee, il n'y a pas de musique non plus. Ben non, parce que c'est du golf, là. Mais il y a de la musique... Ben, mettre un petit fond, là. Il y a de la musique entre le moment que tu joues, là. Le monde applaudisse. Il y a des commentateurs qui sont comme... Golfer for birdie. Il parle de même. Ah oui, c'est pas fort. C'est très, très le fun. Là. Ah ouais. Mais ça, c'est le fun. Ça flash, les dards tombent du plafond. Au début, colle sur la table à gauche quand c'est ton tour. C'est très bien, pour vrai, je trouve. Là, vraiment très simple. Ça s'appelle AmeriDart. Oui, il y a des golf. Il y a des golf clubs à Golden Tee. Et on va voir, il y a un petit sourire, il y a des dards qui tombent. C'est cool. Ouais. Puis ça se joue très bien aussi, chacun son tour. Là. Mais faut t'aille vite parce que t'as juste 10 secondes. Là. Ouais. Mais bon, un beau jeu, très, très le fun. C'est un jeu qui est quand même très niche, là, mais. Apprécié par les amateurs de fléchettes électroniques vintage. Très, très, très niche. Ah, il paraît qu'ils sont juste deux. Ah, hein, c'est ça. Ouais. Et moi, je fais partie à Drummondville. Bon, après ça, évidemment, qui parle de jeux de trackball, parle de jeux de bowling. Fait que je n'ai choisi juste un. Parce qu'il y en a plusieurs. Non, c'est une chronique sportive, aussi. Quasiment. En fait, oui, pour celle-là. World Class Bowling, donc le successeur spirituel à Strata Bowling, qui est un jeu de bowling de trackball que j'ai aussi sur ma Golden Tee. Okay. C'est un jeu vu de haut, là, vraiment, c'est juste c'est la ligne, puis t'envoies ta balle. Ah, ouais. Lui, il est bien, t'es comme la vue de derrière, tu places ta boule, t'as les belles animations, comme au bowling dans le coin en haut à gauche, quand tu fais une strike, genre il te le fait, là, le classique que t'as dans les salles de bowling. Là. Oui. Mais tu sais, il est bien très... Pas besoin de plus que ça, là. C'est parfait, ça. Comme jeu de bowling, c'est... Chacun son tour, tu peux faire curver ta balle un petit peu avec les flèches, là, les boutons au début, puis tu lances et tu y vas. C'est du bowling. Ah, mais c'est le fun, les petites animations. Ça ajoute beaucoup quand même là, au jeu. Ça a une belle personnalité. C'est bien rempli, là. Ça s'appelle le World Class Bowling, considéré comme les meilleurs, voici. On beer frame, fait exploser la bière. Ah ouais. World Class. C'est un peu gris, hein, par exemple. C'est ça. Un peu gris-brun, mais bon, on n'a pas besoin de plus que ça. Là. Non, mais c'est du bowling. Genre, il n'y avait pas le bowling techno dans le temps là, avec les flashlights. Puis c'était parfait de main. 795, ça, Dom, mais c'est fait, encore une fois, par Incredible Technologies. Hey, j'étais en secondaire 3. Ouais. Ça a sorti, j'étais en secondaire 3. Et si je me trompe pas, ce jeu-là va être sur la compilation Golden Tee Classics qui sort bientôt. De nos amis... De chez Digital Eclipse. Exactement. J'ai été voir, puis c'est tous les jeux de Golden Tee et deux jeux, World Class Bowling, et le jeu que je te parle présentement aussi, le prochain, Shuffle Shot. Donc oui, on est rendu ça, c'est le fun, ça. À des jeux de Mississippi avec un trackball. Hey, c'est parfait la trackball pour ça, là. Fait que ça, avec, c'est fait par Strata et Incredible Technologies, sorti en 97. Ça, c'est vraiment le Mississippi, là. C'est le même qu'on appelle ça. C'est le Mississippi, ouais. OK. Fait que ça, pour ceux qui... Moi, j'adore ça. J'adore ça, moi aussi. J'avais joué avec Eli quand on était à San Francisco, mais on était trop épais. On avait joué genre face à face, comme des câbles. Au lieu de faire, genre... On était comme, ça marche pas, faut qu'on puisse se bumper, mais on était ben trop chaud, là. Mais oui, c'est la longue table en bois qui glisse, là. Donc, vous avez un triangle au bout, puis il faut que tu vises. Ouais, tu fais glisser des pocs. Jeu parfait pour jouer avec un trackball, et encore une fois, parce que tu vas avec la vitesse de trackball, là. Fait que c'est toi qui décides quand tu l'envoies. Bon, t'as quatre variantes du shuffleboard là-dedans, là, qui sont à peu près toutes le même jeu avec des règles un peu différentes, là. Et en arrière, il y a des arcades dans le paysage avec des games de Golden Tee. Ben oui, ben c'est fait par Incredible Technologies, encore une fois. Donc, puis celui-là aussi est sur la compilation. Ah oui. Inclus dans la... qui va sortir en 2025. Donc, je pense que ça sera au mois de juillet, 17 juillet, je pense, là, cette compilation-là. À vérifier, là, mais ouais. Donc, Shuffle Shot pour... Pour jouer à du Mississippi avec un trackball. J'aime avec la musique qu'il joue présentement, un genre de Amiga, je sais pas quoi. Et le dernier, Dom, personne n'est prêt à ça. Oh. Ça s'appelle Shoes, S-H-U-U-Z. C'est un jeu de fer à cheval. Oh my god. C'est un simulateur. Des filles tout nues. Avec les filles des Ring Girls qui passent en bikini et qui sont round oui, one. Ça. Donc, développé par Atari Games et Midway en 1990. Pour vrai? Ouais. OK, man. Les grosses compagnies, là. Mais c'est super rare. Il y a à peu près 40 cabinets qui ont été produits de ça seulement. Fait que c'est très dur à trouver. Ah, ouais. C'est un jeu de lançage de fer. Donc, un poteau en métal, puis faut que tu lances le fer à cheval à bonne place. Ouais. Ça, c'est très rare. As-tu déjà joué au fer dans la vraie vie? Ouais. Chris, c'est dur, man. C'est dur. J'adore ça, mais c'est dur, là. Ah, ouais, c'est dur. On joue plus au washer, nous autres. Ouais, le washer. C'est plus facile. C'est comme les dames, tu sais, quand tu sais pas jouer aux échecs. Oui, effectivement. Donc, c'est pas très compliqué, là. Ben, ça, c'est un jeu. Ça, là, ça, y a pas de musique. Y a rien là-dedans. Ah, rien du tout, là. C'est juste jouer, là, puis that's it, puis des quelques sound effects. Mais j'aime les dessins. C'est très, très cartoony. Tu sais, y a de la bonne personnalité, là. Ça me fait penser à Tapper. T'as raison. Plus moderne, là. Très cartoony, comme tu dis, avec des contours noirs, là, puis tout. Mais c'est très, très simple. T'sais, tu places ton bonhomme à l'horizontale, où est-ce que tu veux le mettre dans le milieu, puis après ça, tu vas le locker, puis là, tu backspin pour monter où est-ce que tu veux. Soit tu fais un low throw ou un high throw, fait que tu lances en haut ou en bas, puis après ça, tu spins en avant pour lancer ton fer. Tu fais 4 points si tu pognes la pin, puis sinon, tu fais 1 point si t'es dans la zone. Ça se joue à 4, c'est super le fun. Ah ouais. Il y a des serpents qui passent, c'est la personnalité, tu sais, c'est bien là. Si tu tombes dans cette grosse zone là, là t'as un point. Là. T'as un point. Mais okay. Si tu pognes le ring puis ça tourne, mettons, là, on va le voir là, mais. Ben, je pense qu'il a fait 4 points là-dessus. Ça mérite un 4 certain. Probablement. Et les gars, tu sais, les gars d'expérience là. C'est ça. Mais ouais, très peu connu et on a dit apprécié par les collectionneurs d'arcades rares, mais c'est ça, là. C'est ça. De pas en avoir beaucoup parce qu'il y a juste 40 modèles qui existent. Ouais, c'est ça. Ben écoute. Ça permet quand même de trouver des belles affaires comme ça, d'avoir hacké la Golden Tee. Oui, puis on pourra tous y jouer. Puis tu sais, j'ai évité de parler des genre les classiques, le centipède, millipède, là, ceux-là, on les connaît. Là, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça, on est là pour les jeux qu'on connaît moins. Fait que ça, c'était mes 5 jeux dits un peu plus beer mode là, à jouer. T'as du monde chez vous, 2 à 4 personnes, pas une petite game de bowling, quelque chose sur le side, puis tout le monde va avoir du plaisir à jouer à ça. Absolument. C'est très simple, tu prends une gorgée, tu roules la boule, tu recommences à boire, des fers à cheval. Sacrément, ça mérite au moins 1000 points, hein, ouais. Un beau spin. One ringer each. Ringer cancel. Ah, les ringers s'annulent. Oh. Fait que c'est deux dans la même zone, ça, le point s'annule. Chris. Fonctionne comme ça. Il doit avoir beaucoup de règles à ça. Hey, les dards aussi, j'étais comme, comment on joue? C'est compliqué, les dards. Le dard, c'est comme, tu descends de 300 à 0, puis tu vises une bonne place. Hein. Ouais. Mais c'est bien le fun vers la fin, parce qu'il faut t'as des chiffres précis pour finir. Là. Exact. Très, très cool. Bon, ça, c'était les multi. Fait que là, on s'en va dans mon top 5 des singles. On va commencer avec un très classique, Quantum, de General Computer Corporation pour ça, Atari. Oui, c'est très le fun. Sorti en 82. C'est un jeu qu'on dit d'encerclage de particules atomiques dans l'espace. Donc, c'est ça. C'est des boules de lumière qui se promènent dans l'espace. Puis toi, avec ta trackball, faut que tu fasses un cercle alentour puis tu les fasses exploser. Exact. Tu les entoures. Il y a un remake de ça qui est fait sur Playdate. Ouais. Je l'ai d'ailleurs ici. OK. J'ai joué à ça, mais pas exactement cette version-là, me semble. Sled sur Playdate, qui est exactement la même chose, mais remake-là. Mais ça, c'est tellement un concept simple, puis agréable là, pour une trackball, là, c'est brillant. C'est brillant, mais c'est brillant. C'est quand même difficile parce que si. Garde-le ici, là, mais tu vois, c'est la même affaire. Là, c'est, il va tout seul, puis il tourne, puis c'est ça. Je vais te le donner. Là. C'est la même affaire, mais c'est au lieu que ce soit la trackball, c'est ça qui fait tourner ton vaisseau, là, genre. Ah, oui. Fait que carrément, je pense qu'on avait parlé de la Rétro Nouveau, on avait dit que c'était basé sur un vieux jeu classique. Ben, c'est basé sur Quantum, en fait. C'est quand même pas facile parce que c'est dur avec la manivelle. Ouais, c'est tough. Faut quand même que tu pognes la twist, là. Mais c'est dur parce que les particules de lumière, s'ils foncent dans ta ligne pendant que tu l'entoures, ils accassent ta ligne. Faut que tu recommences. Fait que c'est faudrait quand même vite, fait que c'est difficile à maîtriser, mais c'est très, très bien. Ça va. Peut-être qu'il faudrait que j'ajuste mes settings. Il va beaucoup trop vite, je trouve, comparé à moi, ce que j'ai chez nous, là. Faut que je regosse maintenant que je regarde le gameplay, là. Mais voilà, c'était Quantum. Conçu par Betty Ryan, la première développeuse chez General Computer Corporation. Oh, une femme. Une femme. Après ça, il l'a envoyé faire des parts de jeux de marde d'arcade, d'autres affaires sur Atari. Là, pis... Mais elle a fait ça, Betty Ryan. Donc, comment il s'appelle ce jeu-là, tu dis? Il s'appelle Quantum. Quantum. Mais je connais ça. Ouais, c'est un cabinet super petit, minimaliste. T'avais juste une trackball et un start button dans le temps. Là. Fait que tout ce que ça prenait. On dit que c'est considéré comme un des petits bijoux là, vectoriels pour les gens qui aiment les jeux physiques de ce type-là. Ah, je sais à quoi j'ai des compilations Atari sur DS. Ah, puis, j'ai joué à ça sur DS. Me semble que c'est là. Fait qu'imagine avec un stylet, t'as pas une trackball, mais t'en cercles les affaires. Ouais. Fait que c'est quand même bien fait. Là. Mais c'est super le fun à jouer, ça, pour vrai. Là. Ensuite, Dom, un autre quand même assez connu, Liberator. Par Atari, sorti en 1982. Ça dit que c'était tiré de la bande dessinée Atari Force, donc c'est un jeu avec trackball, ouais. Où est-ce qu'on doit tirer des bébites. Donc t'as comme des vaisseaux dans chaque coin de ton écran, en haut, en bas, à gauche et à droite. Puis dépendamment de où est-ce que t'es dans l'écran, dans quel cadran de l'écran t'es, mettons, mais si t'es en bas à gauche, c'est le vaisseau en bas à gauche qui va tirer. Ouais. Faut-tu défendre des planètes contre des invasions d'extraterrestres et de bébites qui attaquent. Ils peuvent aller détruire tes vaisseaux, donc tu peux perdre un des vaisseaux, mettons, là, en cours de route, jusqu'à perdre tes 4 vaisseaux et mourir et recommencer le jeu. C'est très très minimaliste, mais c'est un autre jeu qui est très très, très bien. C'est le fun, là. Il y a comme un boss fight quand on a une grosse planète, là, je sais pas trop. Ouais, il y a des missiles qui partent de la planète, là. Ben, Liberator, j'imagine que tu libères la planète des envahisseurs, quelque chose du genre, là. Ouais. 762 machines produites, c'est très rare aujourd'hui. Ça a été un flop commercial, ce jeu-là. Ah, ouais. Mais c'est très, très apprécié, c'est culte auprès des collectionneurs, là, donc... Ben, je regarde le cabinet de Quantum, là, il est beau en esti. Disponible, ça, aussi, sur la centipède, juste la vente, là. Pour ceux qui veulent pas se casser le bicycle à hacker, vous l'avez, tout le beau gameplay sur centipède, si vous la voulez. Mais non, c'est un très bon jeu aussi à avoir à jouer à une personne, voilà. Maintenant, Dom, une affaire que je suis sûr que tu n'as jamais vu, ça s'appelle Beezer. Oh. Donc, c'est un jeu vertical où est-ce qu'on est dans une ruche d'abeilles et on doit capturer des abeilles qui veulent nous piquer. Et la manière que ça fonctionne, c'est des alvéoles à trois branches qu'on tourne comme un cadran. Donc le but, c'est de faire un genre de truc qui va aller encapsuler la bibitte. C'est très dur à jouer. J'ai pas réussi à le faire c'est une fois. C'est abstrait en tabardant. C'est difficile parce que genre, faut que tu penses comment tu... Parce qu'à un moment, ils vont te foncer dessus les bibittes aussi. Fait que faut que t'évites les bibittes, faut que t'es capture. Puis ils peuvent passer dans les alvéoles à gauche, à droite, en haut, en bas pour aller d'un bord à l'autre. Là. Ah ouais. Mais c'est super original. Puis t'as comme deux boutons de dash. Tu peux dasher vers le haut puis vers la droite pour comme toutes les tournées d'une shot. Là. Ouais. Mais quand je suis tombé là-dessus, j'ai fait Oh wow! Quel beau petit concept! Ah, c'est. Ben oui, mais mon Dieu, que ça a l'air tough! Ah, c'est dur! Faut que ton cerveau soit capable de. Tu joues tout seul, là, à ça. Mais c'est très difficile, là. Ouais. Comme là, je regarde, je sais même pas comment qu'il le ferait. Puis c'est un peu ça mon problème en ce moment. J'ai joué beaucoup, puis. Je cache pas comment faire mon. Ah, ok, faut que tu fasses un genre de gros. Ah, puis là, quand il part en haut, il fait une grosse alvéole. Il apparaît de l'autre bord. Là. Puis là, si tu prends trop de temps... Tu fais une grosse alvéole géante. C'est ça, la technique. Faut que tu construises des grosses alvéoles, OK. Parce que t'as du temps aussi un peu là-dedans. Ouais, hein, ça un officiel, mais à un moment donné, c'est que t'as une bébite qui sort du bas, qui monte, qui vient déposer un œuf, puis ça pète, puis ça fait une autre bébite qui sort. Puis là, tu peux mettre l'œuf dans des alvéoles aussi. Puis ça fait une zone que tu peux pas aller, là. Fait que c'est très, très bien, là. Huh. Ça s'appelle Beezer, comme... B-E-E-Z-E-R. Exactement. Huh. Fascinant. Sorti en 82, on dit. Labyrinthe hexagonal. J'avais 3 ans. T'avais 3 ans. Vendu comme un kit avec Galaxian Pac-Man. C'est très méconnu et atypique. Fait qu'ils n'ont pas un cabinet normal de ça. Non, ça vendait avec d'autres choses. C'est très rare, effectivement, là, ce jeu-là. J'avais jamais vu ça avant, honnêtement. Là. Malade. Voilà. Mes deux derniers, Crystal Castles. Bien sûr. Par Atari, ça, donc, le petit Bentley Bear. Là, ici, le Bentley Bear de Whiskey vient. Donc, sorti en mars 83, le mois et l'année de ma naissance. Oh! Bentley Bear, qui se promène dans des châteaux hexagonales. Isométriques. Ouais. Donc, tu as deux contrôles là-dessus, c'est la trackball et le saut pour sauter par-dessus les ennemis. Comme tu en as déjà parlé, c'est très le fun parce que tu peux aller très, très vite pour ramasser les petites pastilles, en fait, les gems rouges, là. Ah ouais. Tu donnes un coup de trackball, puis tu traverses une longueur complète, là. C'est vraiment le fun. J'ai fait un peu de recherche, puis on a dit que c'est un des premiers jeux à utiliser des warp zones, puis qu'il y aurait une vraie fin si tu prends pas les warp zones. Oh! Fait que je me suis pas rendu encore jusqu'à la vraie fin, là. Mais ça avait été acclamé pour son gameplay, le graphisme, puis l'innovation narrative du fait que t'as plusieurs fins possibles dans ce jeu-là. OK. Mais c'est vrai, oui, c'est vrai que c'est spécial, là, les petits ascenseurs, là, pis tout. Non, il y a de quoi ce jeu-là. Très difficile, là, mais... Ascenseurs, ouais, des châteaux dans lesquels tu peux rentrer pour te déplacer. Très difficile, mais un peu abstrait, mais en même temps très simple, tu sais, c'est... Exact. Mais super le fun, très bien exécuté, là. Il n'y a vraiment aucun problème avec ce jeu-là, moi, c'est... C'est oui. Ouais, oh, c'est oui. Puis le cabinet est tellement beau. Ah, ouais. Ouais. Également disponible, ce jeu, sur la Centipède. À la page 3. Et le dernier, là, j'ai pas réussi à mettre l'écho parce que, Dom, je t'aurais mis de l'écho pour dire qu'on vient de découvrir un Hidden Gem sur le dernier que je te parle. Ah oui. J'ai capoté quand j'ai parti ça. Oui. Le jeu s'appelle Sylvalion ou Sylvalion. Là, on est dans le plus moderne. Là. Non. On est dans 16-bit. Oui, mais on est en 88 quand même en ce moment. Par Taito Corporation. En fait, c'est fait par, j'ai le nom quelque part, un petit peu, de ce gars-là. Par Fukio Mitsuji, qui est responsable de Bubble Bubble. Exact. Donc, c'est le gars derrière Bubble Bubble qui fait ça. Jeu dans lequel on contrôle un... On est tellement ailleurs. On est dans l'espace, dans des trucs en métal, et on contrôle un dragon en métal, en or, d'homme. Comme un serpent, là. Comme un gros serpent. Un dragon serpent, là. Qui crache du feu. Donc, t'as la trackball et t'as le bouton pour cracher le feu. Dans le bon, on le voit un petit peu, mais t'as la barre de fire qui descend tranquillement. Fait que si tu craches trop du feu longtemps, t'as plus de feu à cracher. Ah ouais, hey, je savais pas. Si t'es inactif, ton feu remonte. C'est un beau mélange entre un jeu qu'il faut que t'ailles très vite et que tu sois très précis. Ouais. Ce qui est très difficile à faire qu'une trackball. Ouais. Parce qu'il y a des ennemis qui se pètent pas. Bon, ça, c'est la version US. Parce qu'il y a une version qui est sortie sur Super Nintendo. Fait que. Mais pas en Amérique du Nord. Mais pas en Amérique du Nord, fait que je sais pas si c'est. Au Japon, mais ça, on l'avait regardé. C'est un hack, ça, parce que moi, il est en japonais, fait que par-dessus, genre. J'ai fait traduire par ChatGPT, j'ai pris un screenshot, il m'a traduit les options. Deux modes de jeu, là, mais qui est à peu près la même chose. C'est un mode normal et un mode qui disait plus avancé, dans lequel tu peux avoir des upgrades, là, puis. Il y aurait une. Plus, parce que ça, je l'ai lu, mais il y aurait une structure semi-narrative dans la campagne qui est aléatoire, découpée en scénario, donc. Plus tu rejoues, tu vas avoir des scénarios différents. T'as plusieurs fins, t'as plusieurs mix and match de tableaux. Là. Fait que c'est un peu aléatoire. Les beaux scénarios. Tu t'en rends pas compte parce que tu comprends, c'est en japonais. C'est ça. De toute façon, l'histoire derrière ça, tu vas juste rentrer dans le temps. Ce serait comme un spin-off de la série Darius. Il y aurait des liens narratifs implicites entre les deux quand tu lis... Ben, japonais. C'est vrai que Darius, c'est une série de Taito. Et puis, dans au look, là, il y a des ressemblances. Je suis d'accord avec ça. Bon, puis ce qui est le fun aussi, c'est que la musique d'un est écœurante. C'est genre du gros métal. Là. Oui. Puis ton serpent, ton dragon, en fait, peut prendre des hits. Plus tu prends des hits, plus tu deviens rouge. Donc là, tu peux voir que la queue est rouge. La tête est en or. Fait que plus tu deviens rouge, moins tu as de vie. C'est très, très bien. J'ai beaucoup de plaisir à jouer à ça. Ah ouais, ça, moi, j'ai bien envie d'essayer ça, là. Un beau serpent. M'a-t-elle l'acheter, ton beau serpent? Ça va très, très vite. C'est frénétique. C'est wow, genre, je capote, là. Genre, j'ai... Très peu connu, parce que c'est seulement sorti au Japon puis qu'il n'y a pas pour un d'arcade de ça dédié, là, où je... Japon, il y avait des arcades trackball qui avaient plusieurs jeux dedans. Ça peut être dans ces genres de machines-là. C'est présent sur une machine qui s'appelle la Taito Egret 2 Mini. Je suis allé voir c'est quoi. Ah, les aigrettes, ouais. C'est ouais, des petites mini-consoles, genre bornes d'arcade, tout petites. OK. Dans laquelle tu peux plugger des manettes, un peu comme les Evercade. Puis t'as une des manettes, il y a des bumpers, puis une trackball dessus. Une petite mini trackball avec ton pouce. Oh my god. C'est la seule place que ce jeu-là est disponible légalement, je dirais, autre que Super NES japonais. Puis. OK. Ah, ces petits cabinets-là, je me demande si on n'a pas déjà eu ça en stock ici. Hein. C'est comme revenu à la mode de faire des mini-cabinets. Ça s'appelle Sylvalion, ouais. Mais check ça quand c'est beau. Ouais, hein? Puis le poster du jeu aussi, il est magnifique. Si tu googles ça, là, vous allez voir cette espèce de dragon là, qui perce, là, qui sort. Là, c'est hot, man. C'est tellement beau. Puis, ouais, musique métal, tout ça est badass à côté. Là. Ça a vraiment l'air. On le voit ici. Là. Ouais, ça. Check ça, man, comment c'est hot. C'est malade. C'est malade. Et puis. Je l'avais dans la collection de même, je pense, dans les ROM que j'ai loadé. Puis, shit, parce que là, je lis des Reddit, puis du monde comme les meilleurs jeux de trackball. Puis, quand à un moment donné, ils nomment ça, puis là, je drop ça, puis je passe ça avec la musique. Ta-da-na-na-na-na-na, comme, holy shit, qu'est-ce que c'est ça? Puis, je comme, c'est fait en 2000, ça, non, 88. My God, 88 au Japon, c'était avancé les machines d'arcade. Là. Ah, pour vrai, là, oui, c'est du shit, ça, là. La Super NES est sortie en quelle année? Je sais pas, mais. C'est du look Super NES Genesis. 11, 12, vraiment, 20, ouais. Hein, c'était précurseur. Ouais, voilà. Mais non, j'étais bien content. J'étais comme, oh mon dieu, j'ai créé Adam. J'ai trouvé un jeu, un hidden gem. Oh my god. Personne ne connaît ça, personne ne m'a jamais parlé de ça. Ah ouais. Fait que là, je cherche d'autres hidden gems de trackball japonais. Là. Ça s'en vient. Là. Je regarde tout ce que je peux trouver. Des là. Hidden gems de trackball japonais. Fait que voilà, c'est mon excursion. Si vous voulez acheter ma centipède et la hacker, elle est disponible pour vous. On va faire un beau rabais. Combien tu vends ça? Ah, 300-400$. Je sais pas. 400$. En bas de 10$. Puis ça va vous donner la chance de voir la maison à GF. Je vais vous la signer avec bon sang. Ah ouais. Si vous venez, je vais même vous montrer ma piscine, si vous voulez. Ah ouais, hein? Puis avec la chance, il y a peut-être de quoi de mort dedans. Ou quelque chose qui va briser pendant que vous êtes 13 ans. Pour l'instant, tout est beau. Là, cette année, j'étais très content d'avoir une piscine fonctionnelle pendant la genre de la mini grosse canicule qu'il y a eu, hein. Ça a pas pris longtemps que ma piscine était à 90. Bon, ben, ok, on va se baigner, là. C'est bon, là. Nice. En réalité, mon gars a du luxe, là. On s'est baigné à 77 et 90. Ouais, j'aime mieux quand c'est chaud. Ouais, habitue-toi peut-être pas trop à du 90, là, mais. Ouais, non, c'est ça. En même temps, les étés sont chauds. Ouais, ça. De plus en plus. Ouais, donc voilà. On se fait une petite soirée piscine, barbecue et trackball. Là. Oui. Ça sent bien. Pour vrai, là, ça sent bien. Fait que là. Faut que ça se la transition. Avant les questions, ouais. On va parler du Canadien. Premièrement, j'avais très hâte, comme tout le monde, j'imagine, de voir ce que le Canadien allait. Wow! Allait drafter en 16 et 17e, mais on n'aura pas eu le temps de le voir parce qu'ils ont échangé ces deux choix-là, puis le Heinemann, qu'on s'en fout complètement. Oui, je l'aimais, mais il est remplaçable, ça. Ben oui, il est remplaçable. Fait que, puis on est allé chercher Noah Dobson, qui est un défenseur inespéré, ça, là. Établi. C'est un top 5 dev de la ligue quand il va bien. Là. Puis ça a l'air qu'il y avait des conflits avec Patrick Roy. Là. Oui, c'est ça. Hein? J'ai entendu ça aussi. Ça aurait peut-être aidé à ce qu'il pas veuille surpris. S'en aller. Moi non plus. Tu sais, il y a du monde. Tu sais, on voulait amener Patrick Roy comme tout coach. Tout le monde voulait bien Patrick Roy. Oui. Puis moi, là, j'en voulais pas de ce type Patrick Roy comme coach. Là. Ça aurait été du trou, man. C'est la soirée de podcast. Depuis 10 ans qu'on a des références de Patrick Roy qui pète des VHS avec des bâtons de hockey. Là. C'est pas pour rien. Là. Ah non, non, man. Il doit être là, vraiment désagréable. Ben, on a pas eu Noah Dobson. C'est incroyable. Kent Hughes, c'est un magicien, ce gars-là. Ah oui. Fait que là, ça, c'est réglé, man. On est top, top, top défense. Notre def est scellé, là. C'est fou, là. Puis là, on est allé chercher. Ben, pour aller avec le repêchage, Zarovski, c'est ça son nom? Celui qu'on a repêché en au début de la deuxième ronde, mais que beaucoup de monde, ben, le Canadien avait en première ronde, lui, il voulait vraiment. Même, ils ont échangé deux choix de la deuxième ronde pour s'avancer, pour être certain de l'avoir. Il n'a pas joué avec Demidov, lui, en c'est plus. Un ami d'enfance de Demidov. Il était dans le top 5 des meilleurs Européens de cette batch-ci. Fait que il y a du monde en fin de première ronde qui ont slippé dessus, mais nous, on l'a acquis, puis il y a des mains magnifiques à ce qui paraît. Là. Fait que ça, c'est je pense que ça va être une belle acquisition. Et puis. Que des bons mots, madame. On s'est débarrassé du bois mort. Oui, on a débarrassé. Et les agents libres. Dvorak. Armia est parti. Oui. Pezetta. Oui. La petite traite de sale de mad quand c'est Toronto. Fuck you. Ah, il va être dans notre face. Il y avait une crotte sur le cœur, lui. Quelqu'un va le geler. Jacker va le geler. Je sais pas, on verra bien. Mais en même temps, il n'y avait pas sa place dans le club. Je suis overreact. Ouais. C'est un de Pezetta. Ah oui, on s'en fout. Ben, comme de l'an 40. Vorak, c'est comme. Bye. Ouais. Un contrat beaucoup trop cher. C'est vrai, c'est vrai. 5,4 millions par année. What the fuck? Parce qu'il y a eu une belle fin de saison et une belle performance en playoff. Ben écoute, tant mieux pour ces gars-là, qui s'en allent ailleurs. Puis Zachary Bolduc qu'on est allé chercher, oui. Que je ne connaissais pas. C'est lui qui a fait le call avec Savard. Ah ouais, tabarnak devant le net dans les playoffs. Ah ouais, c'est lui qui avait dit ça. C'était hot, ça. Je me demandais c'était genre quoi, lui, je n'avais vu pas de son. Montembeau puis Savard, puis Savard qui est dans le net avec la puck. Ah ouais, tabarnak! Comme dans Slapshot. Ah, j'aime ça. Puis, je le connaissais pas. C'était un choix de première ronde, ça, à ce qu'on dit. C'est un gars de première vague de power play. Aussi. Puis, il a fait genre 19 buts en 27 games, quelque chose genre. Là. Ouais, ben, vers la fin de la dernière saison. Ben, qui était sa saison recrue, même, je pense. Ouais. Donc, c'est très, très, très intéressant. Puis, il pourra certainement devenir un top 6. Puis, il est gros aussi. Du physique, ça nous prend du physique un peu quand même. Exact. Bon, fait qu'on a acquis avec ça. Fait que ça, c'est cool. Sinon, quoi d'autre? Kaylin Primo qui est parti. Ouais, bon, ça, on s'en calisse. Il ne valait rien ici. Il a changé contre un choix de 7e ronde. Ah ouais, non. Quel point, il n'a pas de valeur. Ça vaut rien. Là. Logan Mailloux est parti. Oui, c'est ça, je voulais dire. Je pensais que Logan Mailloux. En fait, je pensais qu'on perdait soit Logan Mailloux ou Rainbaker quand on allait chercher Dobson. Je peux pas moi, croire moi, que. Moi, Rainbaker. Si... Je sais pas il ce que fallu... Mathieu Darche voulait, là. Mais. Genre, il a des choix, man. Ouais, il... mais non, mais qui visait en 16-17 parce qu'il a pas eu ce qu'il voulait, je pense, là. Mais. Ben. Selon moi, on est clairement. C'est un on vol. On est gagnant. C'est un vol, ça. Ouais. C'est un vol. Mais les Islanders, ils ont rien. T'sais. Non, non, ils ont aucune relève. Mais tu ils te débarrasses de Noah Dobson, c'est un vol, là. Genre, c'est. Ouais, ouais. Ben, pas grand chose, il aurait fallu qu'ils signent eux aussi, puis là, ça aurait coûté cher, puis là, ouais. Il aurait été pris encore. Fait je pense qu'il fait bien de repartir un peu, là. Puis, mais c'est ça, Logan Mailloux, c'est lui qu'on a tradé pour Bolduc. Oui, je pense que c'est one-on-one one en plus. Crise de bonne affaire, ça. Moi, c'était Mailloux-là, man. Ça n'a pas levé. Là. Ça n'a pas levé. Puis, c'est pas pour son histoire de photos de filles, de machin. Oh, moi, je fais complètement abstraction. J'y souhaite que ça lève ou ce qui est parti, là. Exact. Tant mieux pour lui, mais là. Il sait que ça marchait pas. Il avait pas sa place, clairement. Il n'est pas capable de jouer à défense. Il n'est pas capable d'être défensif. Non, on a Bolduc. Les Québécois. Oui, on a pacté de Québécois. Là, ouais. C'est très, très bien. Là. C'est vraiment le fun. Ah, j'étais content, là, pour vrai. Puis là... Même Crosby, là, mais... on a jusqu'à minuit à soir. Qu'est-ce que c'est? Ah. C'est à soir que ça finit? C'était pas hier, je sais pas. Ben, il y a des signatures encore, là, mais je sais pas trop. Ah, j'y crois pas. Là. Ben, j'y crois pas. Ça aurait pu, mais ça arrivera pas. Il est trop tard. Crosby va finir à Pittsburgh, là. Je pourrais pas croire. Je sais bien pas. Mais j'aimerais beaucoup ça, par contre. Ah ouais, moi aussi, là. Mais je vois beaucoup de commentaires de gens. Ouais, mais là, Sty, arrêtez de niaiser, c'est un deuxième centre que ça prend. Kent Hughes a dit on refait pas une équipe complète dans une été, là. Exact. C'est pas que ça marche, là. Là, le monde, il vire fou, là. Mais là, le monde, sont comme... Hockey, si on veut se rendre loin en série... De quoi se rendre loin en série? On prévoit même pas faire les séries l'année prochaine. Dans la reconstruction, on est même pas dans l'étape où est-ce qu'on est genre... Supposé faire les séries. Où est-ce que la fin est ouverte, ça va être... Pas cette saison-ci, ça va être l'autre d'après. Exactement. Selon moi, là. Exactement. Ou est-ce qu'officiellement, là, on est en mode play-off chaque année, puis si on le fait pas, c'est un échec. Exact. Pas cette année. Pas cette année. On va probablement les faire, peut-être ça a fait. Ça dépend comment Demida va dire. Ben des impondérables. Exact. Je sais pas trop, là. Mais ce n'est pas le temps. C'est pas le but. Mais Rainbacker n'a même pas joué une game encore. C'est pas le temps du tout d'aller comme pacter le. Essayer d'aller c'est pas comme le temps de gaspiller... chercher des gros vétérans ou des affaires chères ou de gaspiller des espoirs pour aller chercher un deuxième centre. Le deuxième centre, on va le même... patcher asti, plus c'est tard. C'est pas de même que tu construis une dynastie au non. hockey. Non, c'est pas de même. C'est comme ce que Kent Hughes est en train de faire en ce moment. Exactement. Ils font la bonne chose. Ah, tellement. Manette le disait à la soirée du podcast, ces deux gars-là, Hughes et Gorton, c'est des intellectuels du hockey. C'est pas le boys club à Bergevin. C'est les gars qui savent ce qu'ils font. Exact. Ils laissent aller travailler puis ils font une crise de bonne job. Parfait. Moi, j'ai rien à dire sur leur move. Moi non plus. C'est parfait. Toutes les là, moves. Là, aujourd'hui, j'ai vu des vidéos à Brossard de Kirby Dack qui patinait, là. Ouais, ouais. Paraît que là, il va bien. On va voir. Puis le style de l'aîné, là, qui aime pas le hockey, apparemment. Ben, il s'est marié. Là, fait que peut-être qu'il a besoin d'argent. De sortir de la maison un peu, là. J'espère. Ce trio-là, j'espère juste que ça va pas cochonner le développement des Midov, là. De jouer avec un blessé jamais là, puis un autre qui s'en calisse, qui va essayer de faire toutes les bulles. Mais on verra bien. Mais la pression ne devrait pas être sur Demidov cette année. Faut laisser là, c'est la deuxième, sur le deuxième trio. Là, genre, oui, c'est une superstar, là, mais ouais. Pas tout de suite. Là, genre, laissez-le se placer. Ouais, là. Demandez-y pas de faire 50 buts tout de suite. Là, ça a changé papa cassette. C'est en mode vacances. Voilà, c'est un petit 10 minutes sur le hockey. Là. Ben ouais, fait parce qu'il s'est passé plein de choses, puis on n'a pas pu en parler. Exact. Puis on aime ça, le hockey, fait qu'on en parle. On a des questions. On a des questions, par contre, en effet, on peut y aller. On avait fait le tour et nous, oui, de ce qui s'est passé. C'est Dominique Ostigui, ça, qui dit ça. Ouais, c'est ça. Ça calisse. Donc, on y va sur Instagram. Il y en a de plus en plus sur Instagram. Les fléchettes roses sont là. Les gens là. Ont compris qu'il faut que tu ailles là. Ça va être pris en priorité pour les questions. Sinon, on est rendu trop chaud et fatigué à la fin. On est comme, oh, c'est trop compliqué, on le fait pas. Ah, c'est ça. John W.A.Niel. W.A.Niel. Avez-vous essayé Papier Julien, le RPG de Julien Bernatchez? Non, faut que je le fasse, par exemple. Ça. Idée originale de Joël Martel, fait avec 5 autres collaborateurs, maintenant disponible gratuitement. Vos impressions? Julien avait commenté d'ailleurs sur notre publication. Il disait, ah, jouer à telle affaire, j'avoue. Oui. Ouais, c'est ça. Il se pluguait. Ouais, il est venu se pluguer. Mais non, ben, on le sait, il faut que je l'essaye, là. Mais j'aime Earthbound québécois avec Julien Bernatchez. Je savais pas que Joël Martel avait participé à ça, par contre. C'est de lui, je pense, en fait. Là. OK. J'allais voir ça. Mais oui, il est gratuit avec moi l'essayer. Là. Ouais, allez-y. Moi aussi, là, éventuellement. Là, mais j'ai pas essayé encore. J'ai rien vu. Le Earthbound québécois. C'est ça. Tom Fréchette. Salut les boys. Une question chaque, si possible. Dom, as-tu déjà pensé faire de la vente à consignation pour les jeux de grande valeur? Comme les cartes de hockey, cela t'éviterait d'avoir de l'argent qui dort sur les tablettes. Oui, on en fait déjà. Ah, bon. Fait que voilà. Mais on va consigner des affaires qu'on croit avoir de la misère à vendre. T'sais. Comme, mettons, un Chrono Trigger en boîte, on va dire que ça vaut 1000$, on va l'acheter, ça, il n'y a pas de problème. Mais mettons, je sais pas, là... un jeu pourri là, qui vaut 5000$, là, tu sais, puis qu'on sait que ça va être tough, que ça te prend le client, tu sais. Ça, on le fait. Là. Fait qu'on en fait un peu présentement. Jeff, ta question, que penses-tu des sites de rencontres? Je suis pas là-dessus. Fait que tu penses que c'est de la merde d'abord? Non, mais il y a quelque chose qui me gosse du swiping là, maintenant. Là. Ouais. Avant, les sites de rencontres, c'est d'autres choses. Avant, tu allais voir le monde. Non, non, mais genre. Aux lovers. Je trouve qu'Aster s'est rendu comme... Il y a quelque chose qui s'enlève de quoi? C'est comme, OK, tu regardes juste des photos puis tu c'est te c'est du bétail, esti. C'est du bétail. Personne me tag, moi, esti. Ah, c'est ça qui se passe. Aussi. Ah, oh, non. Ben, c'est parce qu'ils savent pas, là. As-tu mis des photos de Smokers, là, puis de Golden Tee? Ah, il faudrait que je fasse ça puis que je prenne une photo de moi vraiment proche par en dessous, là, avec mon menton, là. Ouais, c'est ça. Non, faudrait que mon gars ait un bras, quelque chose, là, genre. Mais ben non, ouais, je suis pas là-dessus. Utilise-le, cet enfant-là. Ouais, mais je suis pas là-dessus. Pour fourrer. C'est à quoi ça sert, sinon. Exact. Faut bien que ça paye. Voilà. Tu commences ça jeune. Ben oui, ça allait être l'affaire, là, mais je suis pas là-dessus, non, vraiment. Là. Bon. Je suis très peu sur Facebook Dating. Ça existe, ça? Ouais, il y a un volet. C'est pas la crème qui est là-dessus, on dirait. J'ai envie d'y aller, rien que pour voir la pas de crème. Va stalker, mais pour ça, check qui te like, des gars, oh, sacrement. Ah ouais, ouais, j'ai peut-être mieux pas. Ouais. Ah boy. G_ Roy 007. G-Roy. G-Roy 007. Bonsoir, Dom et JF. J'ai décidé de commencer la série Metal Gear en ordre chronologique au niveau de l'histoire. Quelle série de jeux que vous aimez faire au complet, en ordre ou en désordre? Au complet, man. Complet. Complet. J'en fais pas. Moi non plus. Comme un, c'est assez. Ouais. Je m'en ai dit les Mario, mais je fais pas Mario 1 bien souvent. Là. Ah, jamais. Hein. Il est dur à part il de est tough. Ça. Là, c'est tough. Même le 2, le 3, je fais jamais ça. Le 2, je le fais très souvent, par contre. C'est un de mes go-to. Parce ouais. que je l'avais quand j'étais jeune en cassette. Là. Ok. Je l'ai encore, là, d'ailleurs. Là. Mais non, pour vrai, c'est. Le 3 est long, quand même. Ouais, mais ouais, c'est long, Mario 3. Puis t'as pas de save, si. Ouais, rien, là. Mais je me tape pas des séries complètes, non. C'est assez rare. Non, moi non plus. Après avoir joué à un jeu, c'est fini. Ouais. Je cesse. Puis je vais jouer à un autre jeu de cette série-là plus tard. Mais ben, pas back à back. Tu fais pas genre Castlevania à partir du NES, toutes les Castlevania en ordre. Là. Jusqu'à Lords of Shadow ouais, 2. Mais ben, je pourrais, là. Mais c'est parce que le 2, il casse le rythme. C'est parce que je le connais pas assez. Mais je préfère Contra Super C, là. Puis Contra 3 Alien Wars, trop tough. Je suis pas capable. Jean-Gabriel Harvey qui dit « Faudrait que vous invitiez Julien Bernatchez sur le show, un grand fan de Sega Genesis. » Ah, ben ouais. C'est vrai qu'on pourrait l'inviter. Ça serait cool. En fait, là, il sort de l'hôpital, là, par contre. Ouais, il y a une opération. Ça. J'ai vu ça. Si ça y tente, why not? On a de la bière, ça? Ouais. Allez, série de jeux. C'est beau. On sait pas. On fait pas ça. Désolé, man. Bambino Tacos. Salut, salut. J'aimerais savoir un petit hidden gem de votre part pour la Nintendo Switch. Je me suis procuré une Switch 2 dernièrement, tout comme Papa Cassette, pour mieux profiter de ma librairie de la première Switch, et c'est fabuleux, n'est-ce pas? Merci pour le divertissement et bonne fin de soirée. Hidden gem de Switch. Hidden, tu sais, comme caché, là. Man, j'ai trop de jeux Switch à la maison, esti. J'en ai des 100. Ouais, je peux même pas dire. J'en ai 200. Au moins 8. Moi, je vais dire Chasm. Chasm. C-H-A-S-M. Chasm, ouais, ouais. C'est un bon Metroidvania. Moi, je joue que pratiquement des Metroidvania. Puis celui-là, c'en est un bon. Et puis, il est sorti à l'époque où est-ce que je pense que la PS4 avait encore beaucoup de était encore beaucoup populaire pour les jeux à tirage limité. Et puis, ça, c'en est un bon. On dit Jump King dans Jump King, of course. Ah, effectivement. On en parlait à notre tour du web. Ouais. Jump King, en effet. Ça, c'en est un autre. C'est très spécial. Donc, voilà. Simon, le gars de l'armée fédérale. Bonsoir. Est-ce qu'il y a des développements sur le projet de musée de jeux vidéo dont Dom parlait il y a certains temps? Merci. Pas de développement, puis j'ai pas le temps. Et puis, si on voudrait le faire, tu sais, j'ai rencontré bien des gens, on s'est fait un meeting, on a ouvert un Discord, puis j'ai parlé avec du monde qui m'ont référé des gens en Europe, tout ça. Puis, je me rends compte que tout ça, c'est trop de blabla. J'ai avancé beaucoup en faisant du patin, en jasant de ça avec ChatGPT sur genre qu'est-ce que ça prend. Ça faut faire une OBS. Une OBNL. Organisme à but sans non but lucratif. Puis là, je n'étais pas tout à fait sûr de ce que c'était. Alors là, j'ai appris ce que c'est. Et puis, ce que c'est qu'il faut tout le temps que tu réinvestisses tu peux pas faire les surplus. Tu gardes pas d'argent de ce que tu fais. Mais tu as un salaire. Tout le monde est salarié. Puis tout, là. Mais si la compagnie fait des surplus, il faut que ça aille direct dans la compagnie tout le temps. Ouais. Ce qui fait du sens. Et puis, mais au moins, tu peux ajuster ton salaire. Mais tu sais, tu peux pas avoir. Tu peux pas comme maladement booster ton salaire non plus. Parce que... Mais bon, tout ça fonctionne. Ça, c'est beau. Et puis, il faut que tu sois 3 ans avant de pouvoir faire la demande de. Certaines choses pour avoir des subventions pour être reconnu comme un vrai musée. Tu vois, ça, je savais pas. Puis, il y a plein d'affaires. Fait que bref, moi, mon type de... Ma façon de développer les affaires, c'est de me garrocher, tu sais. Comme... Puis, les universitaires, c'est des gens, c'est des bleus. Il y a 4 couleurs. Ça, comme je suis parti là-dessus. Là. Toi aussi, t'as un bleu, JF, mais t'es pas. Il y a des différences de bleu, mais toi, t'es bleu. Bleu, c'est très intellectuel et tout ça. Puis là, je vais le dire très rouge, c'est direct. Jaune, c'est ce que je suis. C'est très comme rêveur, porteur, impulsion. Puis vert, c'est très humain, les sentiments, tout ça, là, tu sais. Donc, les universitaires, c'est tous des gens très bleus. Et puis moi, je suis jaune. Et puis à l'inverse, comme la couleur inverse, t'as de la misère à t'entendre avec ça, tu sais. Okay. On s'entend bien ensemble, toi et moi, là. Mais mettons, eux, ils parlent trop. Moi, je suis comme « guys, ça avance pas, là, tu sais. » Moi, je suis pas à l'aise de développer ça de même, un musée. Puis je me suis rendu compte qu'on faisait juste parler, puis que « Chris, c'est quoi le next step? » Parce que ça parlait trop. Fait que ça arrivera pas de cette façon-là. Mais là, j'ai pas le temps de me concentrer. Mais j'aimerais beaucoup que ça soit, que ça fasse partie de Retro MTL, tu sais. Nous, on va faire un musée, là. Ça, ça ferait du sens, là. C'est pas pire, ça. Fait que ça, j'aimerais beaucoup ça. Et puis, plus tard, là, maybe, mais... Ouais, excuse, ma blonde m'a texté. Avec une boutique à la sortie, évidemment, du musée. Oui, c'est ça, que t'as pas le choix de passer au travers. La technique Disney, là. Exact. Fait que ça serait un plan, ça, pour Retro MTL, là, un musée qu'on pourrait faire ici. Là. Ça me tente beaucoup, mais tout ça est sur la glace. Antonin Fréchette, le deuxième frère des de... Fréchettes. Salut, Dom. Toi qui as complété 3 full sets, aurais-tu des conseils? J'aimerais me lancer dans celui de 64. J'ai remarqué qu'il y a moins de gros titres comparés aux autres consoles. J'ai fait ça. Ah oui, juste avant de répondre, Blastman dans le chat qui dit qu'il a fait ce test de couleurs, c'est super intéressant. Ouais. Là, j'ai juste comme pitché ça très ancien. Ouais. Mais tout le monde a de toutes les couleurs en passant. On a tous une couleur forte. Je n'ai fait des tests même aussi à job. Puis moi, c'est genre leader, puis des stars, des affaires là, puis t'as comme différents pourcentages dans les zones. Là. Ouais. Je retrouve mon C'était test. Les couleurs ou... Il y a peut-être les couleurs dans le descriptif. Peut-être que je revois mon test. Il y a des test. Couleurs, mais je sais qu'il y en a un autre. C'est pas les couleurs, là, mais c'est une autre affaire. Je vais le checker, je vais te l'envoyer. Ouais. Ben écoute, moi, je trouve ça très révélateur. C'est intéressant parce que ça te permet aussi de bien comprendre quand tu parles avec quelqu'un. Puis c'est quand même on point. Là. C'est fucking on point. Tu regardes, t'es comme « Ah, oh, ouais, OK. » Là, ils disent, mettons, les rouges sont de même. T'sais. Fait que quand tu t'adresses à un rouge, adresse-toi à lui de cette façon-là. Parce que si tu y vas de même, tu vas l'irriter. T'sais. Et vice-versa, le rouge, lui, quand il s'adresse à un vert, t'sais, arrive pas direct, puis il rentre dedans. T'sais. Il va le prendre personnel, puis il va être blessé, puis il va être en tabarnak. Ouais, c'est ça. À l'inverse, le vert va pas voir le rouge en parlant de tes sentiments. Il a fallu que je fasse ça à job. J'ai fait des meetings de genre de revue de performance de l'année de certaines personnes. Là. Ouais. Puis t'as ça, là, genre les différents profils. Puis t'as genre, lui, il est où? C'est un top tier talent, emerging, blablabla. En tout cas. Ouais, c'est ça. Parle-y pas de même. Ouais, ça fait tout du sens. Tu sais, j'apprends beaucoup avec ça. Sakuna sur Switch, c'est vraiment bon aussi. C'est Frank dit. Sais-tu Sakuna of Rice quelque chose, là? Le riz? Un jeu de Vanillaware, je pense, ça se peut-tu, ça? Sakuna of Rice and Rune. Qui c'est qui développe ça? Je l'ai caché avec l'image, j'imagine. Ça me fait penser à Muramasa de Demon Blade, là, tu sais. Je me demande si c'est pas la même gang qui avait fait aussi Dragon's Crown. Edelweiss. Édité par Marvelous. Ah, OK. Développé par Edelweiss. J'ai jamais joué à ça, ça a l'air trop de travail. Ah, puis il y a une série sur Netflix de ça aussi. Quand tu vois, tout est dans tout. Donc, pour revenir à M. Fréchette, pour faire un full set, si tu es vraiment sérieux, je te conseille d'attaquer les plus gros rapidement. Parce que avec la valeur monte aussi? Entre autres, mais aussi parce que les valeurs montent pas mal tout le temps. Et puis, parce qu'ils sont décourageants. Parce que là, c'est facile à acheter du filler, là, puis c'est le fun. C'est comme, yeah, ça avance. Tout le monde fait ça. Puis là, t'arrives à la fin, puis là, il te reste genre pour 5 000$ de jeu à acheter. Puis là, t'es comme, ouais, je pense que je vais laisser faire. En fait, faites ça, puis venez me vendre vos full sets abandonnés chez Retro MTL. Mais tu sais, commence tout de suite par te pogner un Sculptor's Cut. Là. C'est 2000, ça, 3000, là, quelque chose de même, je sais plus. C'est le plus gros. Puis après, tu vas être réglé. Puis tu peux faire les autres et puis ça va aller en descendant. Là, puis mets-toi des notifications eBay pour les affaires compliquées. Tu sais, Sculptor's Cut, c'est cher, c'est pas commun, mais c'est pas nécessairement rare. T'sais. Ouais. Il y a des gros jeux. Chrono Trigger, c'est pas rare. Là, t'sais. Earthbound, c'est pas rare ça. Mais là, ce petit jeu de baseball, de Sport Illustrated, là, qui vaut 30$ et qui a nulle part, là, ça, allume-toi des notifications eBay pour ça. Puis quand tu les vois passer, pull the trigger. Et ça, même si tu le payes un petit peu plus cher que tu aurais souhaité, si Price Charting dit que ce jeu super rare-là, il vaut 30$, puis t'en voyons à 45$ sur eBay, achète-le. Parce que, man, le temps de trouver ça dans la nature, là, ça finira jamais. Là, le jeu de quilles. Ouais, le jeu de quilles. Il y a un jeu de quilles sur 64 qui vaut cher. Fait que pas commun, en effet, Stunt Racer non plus. Mais je suis sûr, puis je m'y connais pas tant en 64, mais je suis sûr qu'il y a des jeux à 40$ là, très durs à trouver. Wow. Plus que ces gros jeux-là encore. Fait que trouve-toi des notifications de ça. Joins des groupes Facebook. Il doit y avoir des groupes de 64 sur Facebook. Joins-toi à ça. Fais des trades avec le monde. Bien sûr, dans les magasins, Punctual Feller, partout ce que tu vois, il y a des deals ici chez RetroMTL, c'est 3 pour 2 pour les jeux à 10$ et moins. Non. Fait que si on a du Feller, achète ça. Partout tu vois qu'il y a du Feller, achète-les. T'sais, c'est pas cher. Vise les gros quand même, mais t'sais, passe pas à côté. Et punctoie une application pour répertorier tout ça. Comme ça, tu vas voir tes missings. Puis si tu peux te mettre des notes aussi, des fois les upgrades. Moi, j'aime bien faire des upgrades. Fait que tu es à jour tout le temps là-dedans. Alors, voilà. Et oui, il y a moins de gros titres sur la 64 que dans les full sets. Et aussi, il y a beaucoup moins de jeux. Genre, il y en a combien? Je me rappelle plus. Genre 300, 200. Tu sais, NES, Super NES, c'est au-dessus de 600. Frôle le 600. Fait que 64, la librairie est pas si grosse. Pour vrai, c'est tellement faisable que j'ai quasiment envie de le faire, même si j'aime pas la 64. C'est tellement l'ironie. Ça serait tellement de la grise. Toute la grise. Toute la grise, man. Mais je le ferais pas, là, mais ça serait la chose à faire. Le musée Nintendo. Fait que là, je m'en vais m'en aller sur Facebook. Prendre une gorgée d'eau. Montez le son. Capable de les voir, JF, les commentaires. C'est comme Facebook, on clique, change. Clique sur l'heure que t'as posté, puis ça va te donner sur le post, puis tu vas pouvoir les voir, je pense. C'est weird, là. Ah, c'est weird, là. C'est tellement désagréable, là. Ça me fait ça, moi aussi. OK, OK. J'y suis, là. Ah. Alors, on va... descendre. Descends. Benoît Landry, si tu pouvais effacer l'existence et l'influence d'un jeu précis, as-tu une idée, ça serait quoi? Un jeu, mettons, tu trouves que ça a ruiné une franchise ou, genre, ou un genre ou qui a eu une influence négative que d'autres ont voulu émuler et qui a ruiné un studio. Yannick Belzile de répondre, je seconde cette question, excellent choix. C'est tough, ça. Ben, un choix facile pourrait être, t'sais, genre Castlevania 2... Comparé au 1 et au 3, on se perdait, c'était de la merde, tout ça. Faudrait plus que ça existe. Mais il a son charme, puis je l'aime. Pour rester dans le Castlevania, moi, c'est les Lords of Shadow. Je trouve que c'est sans saveur, c'est fade, c'est complètement inutile. C'est une occasion ratée de continuer de faire des Castlevania. Puis là, ils ont fait ça, puis ça a chié, puis ils n'en ont plus jamais refait. Ouais. Fait que ça, c'est raté. Sinon, y a-tu un jeu qui a fait fermer un studio? Non, je pense pas. Ton choix est bon, là. c'est ce que j'ai en tête. C'est une question difficile, là, ouais, je trouve. Ouais, c'est pas facile. Un jeu, là, tu dis « Yeah, man, ça va être malade. » Il n'y a pas un Sonic, là, Sonic Colors, là. Je dis n'importe c'est encore quoi. Là, Sonic, je connais pas beaucoup ça. Non, mais qui vient cochonner la série. Ah, oh, je peux pas le dire. Ben, ouais, c'est ça. Il faudrait que la série ait arrêté après qu'il y ait un jeu merdique est sorti, mais je ne sais rien. Mighty No. 9? Ouais, ça j'avoue. Ça a cochonné la legacy de Megaman. De Megaman, t'as raison. Ça, c'en est un bon, ça. C'est une vraie honte, cette affaire-là, une vraie farce. Donc, cela c'est mériterait. L'ultime, c'est l'ultime. Ah ouais, ça, c'est raté. Et puis, il y a eu un jeu de Gollum là, l'année passée. Ah oui, avec du beau poil. Ouais, je sais pas quoi. Là, que c'était des cheveux, épouvantable à ce qui paraît. Ça a été la risée de l'Internet. Ah, ouais. Là, fait que, ouais, on pourrait effacer ça, en effet, ce genre d'affaires-là. Monsieur Rat dans le chat qui demande si je faisais un full set 64, est-ce que je mettrais les collants sur le top pour voir quel jeu qui est quoi? Je pense que non, j'aime ça propre. Fait que ça serait juste un mur gris puis on saurait pas c'est quoi. Comme au hasard, à peu près ici les M. Exactement. Sébastien Trottier, quels sont les 2-3 jeux ou objets que vous tentez actuellement d'ajouter à votre collection? Une arcade one-up de Street Fighter. Ouais, ça c'est accessible. Moi, j'ai toujours besoin d'une boîte de Jetsons au Game Boy. J'ai vraiment besoin de ça. Boîte et livret de Jetsons au Game Boy et de Ninja Gaiden Shadow au Game Boy. Ça, c'est des boîtes que j'aimerais avoir. J'ai acquis Kid Dracula dernièrement. Ça, je le voulais là, depuis longtemps. Je suis vraiment content de ça. Y a-tu de quoi dans l'Atari qu'il faut que je finisse? Y a des Silver Box. Un Atari 7800 plus. Oui, ça, tu pourrais faire ça. Des arcades. Une arcade de Smash TV, une arcade de Tapper, tu sais, ça, j'aimerais ça. Sword Quest Waterworld en boîte sur Atari 2600, parce que j'aimerais compléter les séries des Silver Label en boîte sur 2600, puis il m'en manque genre 5. Mais tu sais, c'est des affaires qui existent tellement dures à trouver. Ouais, ouais. Tellement dures. Astérix, Obélix, Quadron, tu sais, tous des fucking jeux qui valent une fortune. Fait que moi, ça serait ça, mais je suis pas à la course, là. Je chasse pas, puis j'ai pas d'argent comme foutre là-dessus. Là. Je vais mettre Tapper sur mon arcade de Pac-Man. J'ai pas pensé, mais tu sais, ouais. C'est un écran vertical, ouais. C'est vrai. Ben, okay, t'as pas pensé à ça. C'est la première chose à mettre. Je l'ai mis au début, puis la ROM marchait pas. C'est ça qui s'est passé. Ah, c'est. Autre surprise. En fait, c'est ça que j'ai fait sur mes deux arcades. J'ai pris le temps de jouer chaque ROM que j'avais mis. Mais m'assurer qu'il marche. J'ai pas droppé genre 15 000 ROM. Je suis comme, non, parcimonie. Oui. Ce que je veux, je les teste, ça marche. Puis je vois. Je suis d'accord. C'est comme te faire un mixtape d'affaires que tu veux. Exactement ça. Ah ouais. Sinon, il n'y a pas d'amour. Mais je les ai toutes. Ils sont dans un autre folder sur l'ordi. Fait là, je suis comme, ah oui, telle affaire. Je le drop dedans. Exact. Puis là, un moment donné, tu vas être comme, ah ça, j'y joue jamais. Là, tu l'enlèves, tu gardes ça pur, tu sais. J'ai joué à Don Pachi et Do Don Pachi. J'ai jamais joué à Don Pachi. Tu viendras jouer chez nous, jouer à Don Pachi. Chris, je vais jouer, hostie. Ben. Appelle-moi Dom Pachi. Nouveau podcast, JF et Dom Pachi. Golden Romeo et Dom Pachi. Mais non, j'ai jamais joué, puis je voulais vraiment l'avoir. J'ai failli l'acquérir. Dodon est meilleur, là. Mais, c'est bien. J'ai failli l'acquérir en fait, sur Sega Saturn. Ce que j'ai fait quand j'ai installé tout le marché, j'étais allé ouvrir la page wiki de Toplin. Ouais. Et j'ai tout mis les schmops de Toplin. Ok. Il y en a quand même pas mal. Oui. Tu sais pas combien de fois j'ai fait Batsugan depuis que j'ai cet arcade chez nous, là. Ah, c'est clair. J'étais assis, je suis comme, ah ouais, le son dans le tapis, let's go, là. Ah ouais. Carl Leduc, dans le chat, pour revenir sur les jeux à éradiquer, parle de Atari, de E.T. sur Atari, pour avoir fait crasher l'industrie nord-américaine. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Le jeu a contribué au crash, mais le crash est une accumulation de merde. C'est pas ça qui a fait crasher. Puis ça, et Pac-Man aussi est un autre exemple. Pac-Man, tant qu'à moi, est un pire exemple que E.T. E.T. a eu un effort. Le gars, il a travaillé très, très fort Howard Scott Warshaw pour y arriver, puis ils l'ont crunché, esti, puis il dormait pas. Puis il a livré un produit qui, à l'époque, le monde, ils sont restés perplexes, mais que tu joues à ça aujourd'hui, puis c'est quand même brillant, tu sais. C'est quand même bien fait, c'est intelligent, puis c'est profond pour un jeu Atari. Pac-Man, man, c'est un port dégueulasse, injouable, personne capable de faire la moitié du premier niveau. C'est une dompe, c'est une honte. Fait que ça, c'est ça. Donc, moi je trouve qu'il faut enlever là, de sur le dos le mythe, la légende de ça, ouais. Exact. Ben, c'est passé légendaire parce qu'ils l'ont déterré dans une dompe, là. Exact. Exact. Ils l'ont, ouais, puis là, c'était ça, ouais. C'est ça, là. Il y a eu beaucoup de médias autour de E.T., mais c'est pas rien que de sa faute à lui. Moi, je le garderais, je l'éliminerais pas. Ça serait bien d'avoir ça sur des panneaux en texte dans ton musée de jeux vidéo, là. Oui. Cessez. Ouais, c'est plus la légende, Carl. Miss Pac-Man sur Atari est pas si mal. Miss Pac-Man est excellent sur Atari Cyclone. Pac-Man est pourri. Puis Pac-Man Junior, il est très tough. J'ai pas assez joué, là. Mais Miss Pac-Man, il est très bien. Miss Pac-Man à l'arcade, très le fun aussi. Ouais, je l'ai écouté, le documentaire sur Netflix de quand il creuse tout ça, là. C'était sympathique. Ice Core sur Netflix, qu'on dit. Ouais, vous écouterez ça. Yannick Martin, quel jeu avez-vous commencé et abandonné avant de terminer en espérant vraiment le terminer? Et pourquoi? Battletoads, tout le temps, même réponse. Là. Mais ouais. Commencer, J'en ai plein là, que j'avais commencé. Moi aussi, j'en ai plein. Puis je me dis, attends, je vais finir. Hogwarts Legacy, j'ai jamais pris le temps de le finir. Hi-Fi Rush, t'as rendu à la fin, j'ai pas pris le temps de le finir non plus. Il y en a plein là, que j'ai vraiment aimé. Là. Ouais. Le temps manque des fois. Là. Ah, il y en a un. Il y a trop d'offres, là. C'est... Ah non, exact. Puis dans le rétro, il y en a un là, que j'étais vraiment à fin. C'est Conquest of the Crystal Palace. J'étais à fin. Puis là j'étais tanné. C'était off, là, tu sais. Mais j'y étais presque. Faudrait que je m'y remette. Il y a eu le jeu avec Halloween et puis un combo de jeu 2D style gory slasher de Halloween et Ash de Evil Dead. Ouais, ouais. Puis j'ai pas assez accroché. Je l'ai laissé tomber. Je vais peut-être le vendre. Fait que, quoi d'autre dans mes jeux que je veux vendre? On dirait que j'ai fait Gunvolt 1, Gunvolt 2. Là, j'ai Gunvolt 3. Puis, je sais pas si ça me tente. C'est peut-être trop de Gunvolt. Peut-être que je vais juste tout revendre mes Gunvolt. Je sais pas. Fait que, full set Gunvolt. Ouais, j'ai le full set Gunvolt. JC Goyette. Salut les gars. Les collections rétro continuent à affluer sur le marché, jouant sur la nostalgie et possiblement la préservation. Y a-t-il une collection de jeux rétro que vous achèteriez la seconde qu'elle est annoncée? Je parle ici d'une compilation de jeux d'une même série, même compagnie ou similaire. Continuez votre bon travail. Plein, là. Plein, Compile de shmup, mais c'est ça. Il y en a plein déjà, tu sais. Là, Golden Tee, ah, ils sont en train de le faire. Tetris, ah, ça existe. Ouais, c'est ça. Contra, ils l'ont fait. Les vieux, les deux vieux GTA au PC, 1 et 2, là, vu top-down. Il y en a, ouais. Une compile de ça, peut-être. Ben, il y avait eu un Collector's Edition sur PS1 du 1, 2, 1 et 2. 1 et 2, ouais. Que tu pouvais acheter. En tout cas, il y en a là, de ça. Là. Mais j'ai jamais joué, moi. Moi, j'ai joué beaucoup à ça. Ouais, les vieux, vieux. Ouais, là. Ouais, je les avais les deux. Ça, c'était bien. J'allais dire une compilation Atari, mais il y en a déjà aussi. Mais compilation Activision, mais il y en a une. Turtle, il y en a. Oui, toutes les séries. Compilation des jeux d'hommes des cavernes. Ah ouais. Compilation Flintstones. Ah, oui. Bring it. Compilation des jeux Taito Flintstones. Anna Barbara. Anna Barbara. On pourrait mettre les Jetsons là-dedans. Mm-hmm. Ah ouais. La Anna Barbara Collection. Ouais. Puis il y en a d'autres. On pourrait mettre Yogi the Bear là, sur Game Boy. Ouais. Et puis. Il fait une place, là, ouais. Il y a d'autres... quoi d'autre d'Anna Barbara? Il y a Wacky Races du NES. La compilation Anna Barbara rétro, man. NES, Super NES, Game Boy. Puis la collection des jeux de Bugs Bunny. Crazy Castle. Crazy Collection. La Crazy Collection Bugs Bunny, ouais. Ça finit avec Woody Woodpecker sur Game Boy Advance, qui est rendu le 5. Wow. Parce qu'ils ont changé de mascotte et ont pris Woody Woodpecker. Ah, ben voilà. La Crazy Collection, man. On vous donne ça gratis, là. Sortez-nous ça, s'il vous plaît. Faites-les. Limited run, let's go, là. Quelque chose. Ah, ouais. La compilation des jeux de McDonald's. Donc, McKids. Avec le Lost jeu de Game Boy Advance, là, avec Grimace. Ouais. Game Boy Color, je pense, ouais. Ouais. Et puis, il y aurait celui de Famicom là, qui est pas bon. Et puis, il y aurait McDonald's Treasure Land Adventure qui est, au Genesis qui était absolument incroyable. Ouais. Et puis, McKids. Et puis, ouais, c'est des bonnes idées là, qu'on drop là. Une compilation Pac-Man, ça existe. Ça. Il y en a quand même une coupe. Mais compilation des mascottes commerciales, genre Cool Spot. ouais, juste des affaires commerciales. Le bonhomme de Domino, le Void de Noid. Yo-Noid. Les compilations des mascottes qu'on s'en crisse de, tu sais, Mr. Nuts, Aero the Acrobat, tu sais, toutes ces mascottes de Super NES et de Genesis qui en ont tellement fait, là. Le Awesome Possum, tu sais, puis tout, oui, wow. Tout ça. Wow. Là, faudrait. Des bons exemples. Des beaux exemples. Laurent, quelle sorte de pain manges-tu pour déjeuner? C'est une bonne question. Celui qui est spécial. Je prends celui. Avant, on mangeait du pain blanc, puis après ça, on est parti sur le pain brun pendant des années. Puis là, on revient au blanc un peu, mais pas genre du thom, là. Du pomme, pain blanc, là. Blé entier, genre. Là. Ouais, mais il y en a un autre du Saint-Méthode, là. Ouais. Il est comme un petit peu foncé, mais la texture est tellement bonne. Là, ouais, mais je les aime beaucoup, ceux-là aussi, mais je varie, moi aussi. Ouais. Fait que... Entre pain blanc et pain brun, tant qu'il y a bien des graines. Ouais, on mange bien des graines. Manger bien des graines, ouais. Of course. Puis la fin de semaine, des fois, on va aux premières moissons s'acheter un petit pain spécial, au sarrasin, là, ouais, ou un pain de ménage ou quelque chose de différent. Des fois, je vais à la boulangerie. Ben là, oui, la super boulangerie. On achète souvent du pain sandwich là, ensemble. Ben oui. Fait que une petite belle boulangerie, ça là. Fait que voilà nos pains. Ils donnent toujours soit un bang ou un genre un petit une petite affaire en chocolat à mon gars à chaque fois qu'on y va. Ah ouais. Yann's April. Salut les boys. Ce matin, j'ai vécu un beau moment père-fils avec mon gars de 2 ans. J'ai fait un setup NES dans le sous-sol avec Super Mario Bros. Et mon gars a montré beaucoup d'intérêt. Chris, à 2 ans. Ouais. OK, ben lui, il jouait le petit regardé. Ouais, ouais. Un papa gamer bien heureux. Ma question. Je sais que vous avez des petits boys gamers présentement. Comment cela s'est produit de votre côté? Ont-ils montré de l'intérêt envers le gaming à cet âge, 2 ans, ou cela est arrivé plus tard? Sinon, en question bonus, quel jeu rétro ou pas vous me suggérez pour le futur pour faire découvrir à mon gars? Merci les boys et bonne soirée à vous. Gorgé. Gorgé de bière. Là, vous êtes une gorgée d'eau. Ah, mon gars a 5 ans et demi, ça fait 3 ans que j'étais avec tout seul. Fait qu'avant, il avait vraiment rien vu parce qu'il était trop jeune. Puis je, vu que je suis seul, je game jamais devant lui là, parce que j'ai jamais de temps à faire du passe-temps pendant que j'étais avec. Là. Ouais, non, c'est ça. Mais moi, c'est la Playdate qui l'a embarqué le plus. Ben, le iPad, évidemment, là, à un moment donné. Là, ça... Oui, ça a commencé avec les téléphones puis les tablettes. C'est ça. Mais à un moment donné, il est tombé là-dessus. Puis sur le Pico 8, sur les petites consoles, puis genre, il a embarqué même si c'est du vieux stock rétro là, ou... C'est minimaliste, parce que c'est très simple, j'imagine, il est tombé là-dessus, là. Ouais. Ouais, mais sinon, des jeux de chasse sont iPad, là. Mais c'est jeune, 2 ans, quand même, là. Faut pas les forcer non plus, je trouve, là. T'sais, tout ça va venir tout seul, anyway. Je pense, parce que moi, j'ai pensé qu'il faut pas trop les exposer à ça non plus, là. Non, c'est ça. Ah, il a envoyé une photo, en plus, avec son gars. C'est bien joli. On le jeu, non, c'est pas vrai. Non, mais on juge pas. Mais c'est ça. Moi, je m'en fous. Là. C'est pas parce que j'aime le hockey ou les Doritos ou les jeux que faut que mes enfants aiment ça. Là, mais par défaut, of course, ils vont être attirés parce ils vont checker parce que moi, je suis là-dedans. T'sais. Ils voient bien. Fait que moi, mon plus vieux, il joue. Il a commencé Pokémon un peu à l'époque. Puis là, quand Fortnite est apparu, il s'est lancé là-dedans. Puis après, il est allé all-in. Là-dedans, dans les jeux en ligne avec des amis. Ouais, ouais. Puis lui, pour lui, le gaming, c'est social. Que c'est qu'il joue à FIFA ou à Fortnite ou à des jeux de gun quelconque ou il essaye des affaires weird. C'est que social. Puis mon plus jeune, lui, ben, il essaye de tout. Là, il a reparti une game de Shantae, Half Genie, Half Hero. Et puis il veut le refaire à 100% comme il faut puis refaire tous les modes. T'sais, il joue à des jeux rétro de même, mais il s'intéresse à ça. Il me regarde, puis il s'essaye, puis il se part des games, tu sais. Ben, que ça se fait tout seul, là. Ben, la question, c'est quoi? Comment cela s'est produit? Ça s'est produit naturellement, comme ça, là. Mais ça commence avec les tablettes puis les iPads. Ouais, ça. Tu sais, je le retiens, moi, c'est à la Switch, là, d'y montrer c'est quoi Mario Kart pour vrai, là. Parce ouais, que, c'est là, ça. Genre, il y a un char téléguidé Mario Kart, mais il n'a pas joué à Mario Kart. Ouais. Mais le jour où je passe ça, c'est fini, là. Genre, exact. Surtout lui, là, il trippe ses voitures, là, fait que... Mm. Voiture et train. Là, j'ai pogné Train Simulator 2025, c'est mon ordi, en rabais à 10$ sur le genre 60. Je suis comme, on joue à ça, là. On va passer une coupe d'heure maintenant quand je saurais plus quoi faire. Ouais, c'est bien ça. Joué à l'ordi, là, mais... Ouais. Puis moi, un jeu que je conseille, c'est Kirby Epic Yarn sur Wii. Ouais, ouais. Ouais. Qui est absolument magnifique. Et puis, c'est Kirby dans le petit monde de laine, là. Il est sur 3DS, mais tu veux jouer avec ton gars, jouer à Wii. Et puis, tu meurs pas dans ce jeu-là. Ou pas vraiment. Et puis, tu peux transporter l'autre, tu peux l'aider beaucoup. C'est le premier jeu que j'ai fait avec mon plus vieux. Et puis, et le seul, en fait, à ce que maintenant, je pense. Puis, à chaque fois que j'entends la toune d'intro de ce jeu-là, j'en viens quasiment les larmes aux yeux de l'époque. Là. Puis, c'est tellement un beau jeu pour moi, puis un beau moment nostalgique que j'ai vécu avec lui. Fait que ça, on l'a fini, puis on a eu du fun. Puis, mon deuxième, on a joué à plein d'affaires ensemble. On a fini plein de jeux, puis on a eu bien du fun aussi. Mais, tu sais, il était plus à 7-8, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Pas 2-3, là, tu sais. Fait que, voilà. Moi, c'est l'âge où la transition s'en vient, là, vers ça. Il s'en va à l'école, fait qu'il... C'est sûr qu'à l'école, il va apprendre des affaires qu'il n'y a pas chez nous, qu'il va découvrir qu'on a tout chez nous, finalement, de ce qu'il va apprendre à l'école, là. Ouais. Tel jeu, là, la console d'origine, là, toutes les cartouches, j'en sais. Exact, t'as tout à maison, hein. Il sait par exemple qu'on a une émission sur YouTube où on parle de jeux. Ok. Parce que des fois, il voit des gens des thumbnails de depuis moi dans YouTube, quelque chose. Là. Et il sait que genre je parle avec toi pour faire une émission sur YouTube. Ça, il est au courant de ça. Là. Ah ben. Mais je fais pas écouter rien de ce qu'on fait. Non, non, parce que c'est ben trop de suicide puis de sac. Maintenant, il va faire comme mon Dieu, mon père était bien malheureux. C'est vrai! Oh, c'est gênant. Moi, je pense que mes enfants, ils veulent pas écouter ça. Là, comme ils en ont assez de m'entendre à la maison. Testament vidéo sur 20 ans. Ben Toy qui dit dans le chat mon 7 ans, c'est Zelda Tears of the Kingdom et Farming Simulator. Ah, c'est nice. Ah, tu vois, hein, les jeux de simulation, ça peut être le fun aussi. Maxime Chartier dans le chat qui dit quel est ton coup de cœur des Metroidvania sortis depuis l'an dernier? Un coup de cœur que j'ai eu, c'est The Last Fate. C'est vraiment bien, un peu à la Blasphemous, là. Ça c'en est un gros coup de tête, un gros coup de cœur que j'ai eu depuis l'an dernier. Voilà. Nick Lachapelle, quels sont les jeux Wii U que vous voulez voir sur Switch 2? Wonderful 101. J'ai jamais joué à ça, mais je veux ça. Ouais, c'est pas bon, mais. Je sais pas c'est quoi. J'ai jamais joué. C'est ça le jeu de Wii U qui me revient en tête, là. D'ailleurs, si vous êtes allé sur la page Facebook de Papa Cassette, j'ai republié une vidéo que moi puis Bruno, on était allé à l'événement Nintendo. Oui, j'ai écouté, ouais, ouais. C'est toi qui avais filmé ça? Oui. Exact. Puis t'avais fait le montage. Laquelle des vidéos, c'est sûr que c'est moi, là. Genre, qui... Oui, c'est ça. Nous autres, on joue. C'est ma grosse cam, là, que j'avais, là. Il y a du gameplay. Oh non, c'est une petite belle capsule. Ouais, je vous ai filmé pendant que vous faisiez. Puis vous avez parlé après ça, puis on a fait un jeu de montage, ouais. Oui, ouais, oui, une oui. Belle capsule. Très, très belle capsule. Puis on découvrait les jeux de la Wii U. J'avais oublié, puis c'est revenu en l'écoutant quand tu l'as posté. Après le E3, tu sais. Fait qu'on passe tout ça, ces jeux-là. Assis en indien sur des dalles de ciment. Exact. Hey, man, ça fait longtemps, là. On était jeunes, là. 10, 12 ans. La peau lisse. Aucun blanc dans la barbe. Ou des non, cheveux, non, là. Non, man. Hey, mon gars était jeune, puis tout. Quelle époque. Mais j'en ai plus, Nick, des jeux de Wii U que je voudrais. Ils ont tous été refaits tout sur été Switch. Porté, ouais. Il n'y a plus rien sur cette machine-là. Rien a été oublié. Qui m'intéresse ou que je me dis faudrait. Ouais. J'y pense, là. Parce que j'ai classé des jeux de Wii U cet après-midi, puis j'essaie de penser à des affaires que j'ai vues. Qu'est-ce qui reste à part Zombie U? ou tank. Ah, ouais, ouais, je sais plus. C'est très drôle. Julien Leroux Garot. Quel jeu pochette vous redonne l'image et la nostalgie de prendre son petit numéro à Velcro au club vidéo de Panneur? Un jeu que t'as loué souvent, là, mettons. Ouais, NHL 94. Là. La pochette, là. Ouais, tu vois ça avec le petit affaire. Oh, là, ouais, coin, là. Ouais. Moi, j'ai Yonoi, man. J'ai étrangement loué ça longtemps parce que c'est un des nouveaux jeux qu'il y avait, là, puis je m'essayais, mais c'est... ça me fait penser au club vidéo beaucoup, Yonoi. Ça, c'en est un. Mega Man 4 aussi qui est arrivé là, dans l'autre du club vidéo. Je crois, oh mon Dieu. Le Super NES, en général, moi, me rappelle cette époque-là. C'était là que j'en louais beaucoup. Là. Moi, j'en louais pas. Super Tennis, des affaires comme ça. Ouais, c'est ça. Hein. J'ai des boîtes chez nous que je pense qu'il y a encore un velcro dessus parce que j'ai acheté quand ils ont fermé les vidéos. Là. Ah, il y en a beaucoup des Super Tennis avec des velcro dessus. Genre... C'est sûr. C'est un très bon jeu de tennis, par exemple. Ouais, quand même. Hein. C'était bien fait. Ouais. Carl Jean-Bord. Salut les gars, ma question est pour Dom. Est-ce que tu as trouvé un ou une styliste depuis la dernière fois que tu en as parlé? J'en ai pas cherché, puis j'en cherche pas, j'ai pas les moyens, c'est trop cher. Je suis broke, fait que je mets tout le temps le même crise de linge. Ouais, moi aussi. That's it. Ben non, je mets le même linge que j'ai acheté l'autre fois. Là. Ouais, tu t'achètes du nouveau linge. Là, je suis dans In Your House pour le classique pay-per-view de WWF dans le temps. Ah, c'est magnifique. C'était beau, c'était In Your House. La pochette de ce jeu-là sur Sega Saturn, est comme il y a beaucoup de blanc. Puis là, t'as Shawn Michaels puis deux autres lutteurs découpés qui sont comme dans les airs, qui drop sur une maison. C'est écrit In Your House. La pochette est dégueulasse, là. J'ai mis un jeu de lutte sur mon arcade de Pac-Man. Ah étant, oui? Étant 4-3, par exemple, c'est pas en vertical, mais Royal Rumble, je pense que c'est le genre, là. Ouais. Ça se contrôle tellement mal. Ah, moi, les jeux de lutte, là, je trouve ça tellement dur. Dur à jouer. Ouais. Bentoy, je me demande, qui dit dans le chat, je me demande si un club vidéo de jeux vidéo serait encore viable. Non. Ouais. Moi, je crois pas en ça. Des fois, on nous club le demande vidéo ici en magasin. De location de rétro, peut-être, mais même à ça. Ben là, c'est pas ça. Le monde, ils ont pas les machines. C'est ça l'affaire. Ou ça, tu sais. Puis, tu sais, le monde. Tu sais. Ils brisent le jeu, puis là, les jeux. C'est parce que les jeux coûtent cher. À l'époque, là, il n'y avait rien d'autre. Ben, c'est comme si tu faisais un club vidéo présentement de jeux de PS5, mettons, parce qu'ils ont. Ou PS4, ils ont tous le même prix. Puis que tu n'avais pas là en ligne pour les downloader, puis tu peux pas ça. Il n'y avait pas de old gen, il y avait de l'Atari, mais tout le monde s'en crisse. Ouais. Tu louais des jeux de NES, c'était ça. Puis ils valaient tous le même prix au magasin. Il n'y avait pas de valeur disparate encore, tu sais. Fait c'était tout égal. Ouais, quand je jouais au Super NES, personne ne parlait d'Atari dans le temps. Là. Hein. Ou à peu près pas. Là. Très pas. Moi, il y a juste moi qui ai loué des jeux Atari dans le temps. Mais tu sais, tu vas-tu louer Bubble 2, tu sais, le jeu, il vaut 500$, tu sais, tu peux pas donner ça au monde. Là, là, fait qu'il faut que tu mettes un dépôt de 800 pour le louer. Exact. Non, j'y crois pas du tout. Ça marcherait pas. Martin Lévesque, c'est quoi ton... Puis, je préfère les vendre aux gens qui les gardent qu'ils me les ramènent continuellement, tu sais. Martin Lévesque, c'est quoi ton cover préféré des 3 Double Dragons sur NES? Ah, c'est un dur choix entre le 2 et le 3. Mais le 2 est assez iconique, mais moi j'aime beaucoup le 3 pour sa noirceur, là, pis c'est dark. Là. Fait que voilà. Pendant que tu sors ça. Ah ouais, ça c'est Double Dragon 2, non? Ça, ça fait de la bonne TV. Hein. C'est parce que je vais. J'étais avec la souris sur l'écran là et non sur le. Ah ouais. Hein. Comme un cave. Donc, Double Dragon 2, là, le classique comme ça, absolument excellente illustration. C'est très, très, très beau. Et puis, c'est un bon jeu d'ailleurs. Puis ça, c'est le 3. C'est là? Non, l'autre tout en noir, là, écrit ah, super ici, là. Gros Double Dragon 3. Avec les dragons, là, puis les gangs en arrière, puis un ninja qui kick contre un gars avec qui écoute du hair metal. Ça, je trouve ça très beau. Ce jeu-là va être tellement dur. Tellement dur. Même le 2, j'arrive pas à le finir encore. Faudrait vraiment que j'y rejoue. Moi, y arriver, mais ça, c'est une série. J'ai réussi à faire le 1, puis fuck, ça a été tough. Mais j'y suis arrivé, puis à la fin, j'avais du plaisir à le recommencer tout le temps. Mais c'est une série, ça, qu'il faut que je m'y mette, puis que je le finisse, là. Dan Langlois, allez-vous vous ennuyer du PEDS? Bon, non. Pazetta, on en parlait tantôt. Non, mon celui qui avait un nez, il avait mis un saut marqué fuck you là, dans les petites lignes. Là. Ouais, c'est lui. Ouais, c'est... À l'intérieur de son saut, c'est écrit fuck non, you. Non, mais c'est sur le saut, j'en dirais. Que, genre, comme on dirait que c'est des lignes comme blanches, mais c'était juste écrit plein de fuck you partout. Ça, c'est malade. Serge Saint-Hilaire, je me demandais si l'opération que tu as eue pour tes tunnels carpiens avait bien fonctionné. Quels étaient tes symptômes avant ton opération? T'arrivait-il des fois de perdre complètement la sensation du toucher au bout des doigts avec une douleur extrême? Félicitations, votre beau programme. Oui, à tout ça. Le matin, je me levais, j'avais les mains complètement engourdies. Fait que c'est ça, là. C'est comme quand t'as les mains engourdies. Là, ouais. Tu sens rien. Puis le pire, c'est quand je gameais la fin de semaine, le matin, en me levant, là, tout de suite, ça j'étais ouais. Incapable, en vélo, tu sais. Si du monde font de la moto, ça doit être atroce. Fait que c'est complètement engourdi, puis ça l'a tout enlevé, c'est plus jamais revenu. Nice. Mais là, je sens mes mains sont pas normales. Là, ça a pas fini de guérir encore. C'est comme long de guérir ça. Il y a une légère sensibilité. Puis mettons, je fais un mouvement comme ça, ça force. Ouais, les mains se font une place facile à guérir. Là. Ça bouge tellement. Là-dedans, il y a plein de muscles. Là. Exact. Puis tu sais, il y en a une qui fait un mal d'une certaine façon, l'autre a fait mal de l'autre façon. Puis, comme tu dis, mais tu coupes profondément, là, comme un demi-pouce. Fait que creux, chez là, vous, là, tu checkes ta collection NES, t'es comme « Ah, mes mains! » Ah, c'est ça. Mes cassettes, ah! Ah non, ça a vraiment fait du bien. Je conseille ça à tout le monde en passant. Là, ça a changé ma vie. Richard Deschamps. Est-ce que vous pensez que Nintendo devrait sortir une Switch 2 sans écran? Juste une boîte pour brancher dans TV avec un Pro Controller. Bref, une Switch 2 de salon seulement et moins cher. Moi, je pense pas. Non, parce que ce qui fait l'attrait de la Switch, c'est qu'à Switch, en portable. D'un à l'autre. Tu sais, mais il y en a qui aimeraient ça, certainement, là. Mais je trouve que ça dénaturerait l'idée. Ouais. Ça serait comme de démontrer que c'était pas une bonne idée à la base, tu comprends? Ouais, non, ils feront pas ça. On fait des chars qui vont aussi dans l'eau, guys. Mais finalement, nos chars n'iront pas dans l'eau. Ouais, comme, t'as pas réussi d'abord. C'est un mauvais exemple, mais. Nos chars vont dans l'eau. V'là une version de ce char-là, mais celui-là va pas dans l'eau. Exact. On fait des chars qui vont dans l'eau. Ah, mais finalement, on en fait aussi qu'ils vont pas dans l'eau. Non, c'est ça. Je trouve que ça dénature le concept. Puis ils ont pas de besoin. Sûrement, mais... Puis ils ont pas besoin de faire ça. Ils peuvent garder leur concept puis shiner avec ça. C'est le futur. Mais certainement qu'il y aurait plein de gens qui aimeraient ça. David, alors, la caille. Tout le monde rêve en secret de participer au WEG. À quand le billet d'or, comme dans Charlie, la chocolaterie, ou les prix d'entrée à 1000$? Toujours jamais. Un plaisir de vous écouter. Lâchez pas les boys. Ce qui est drôle, c'est que le pire, c'est que présentement... Le billet d'or. On fait du recrutement. Pour le WEG? Ben, au dernier... Pas présentement, mais ces temps-ci, au cours des derniers WEG... Étrangement, il manquait quand même pas mal de monde. Parce que le monde ne vient pas aux deux WEG tout le temps. Fait que là, faut peut-être trouver une personne ou deux de remplacement. Là, ça arrive. Là. C'est ça. Puis il y a des mauvais timings. Mm-hmm. Puis là, comme au dernier, là, pour vrai, à un moment donné, on a baissé de chalet, de grosseur de chalet, parce qu'il manquait trop de monde. À l'inverse, pendant une couple d'années, il y avait trop de monde. Il y a du monde qui pouvait, de la gang qui pouvait pas venir. Mais là, on est rendu à recruter du monde de l'extérieur. De la gang, mais qui ont des liens avec des personnes de la gang. Qu'on connaît, quand même. Comme Palace, qui est venu ici. Pierre-Alexandre Lassonde. PA qui est venu. Il est venu au WEG, puis on a eu du fun noir avec lui. Puis, c'est ça, man. Du monde. C'est lui le billet d'or. C'est lui qui a eu le billet d'or. Il en a profité. Mais moi, je serais pas contre, là, des fois, de pourquoi pas inviter un Patreon ou deux, là, tu sais. Ouais. Ça dépend du reste de la gang. Ça dépend aussi, là, faut bien se comporter. Ouais. Qu'on commence à péter des affaires puis à faire de la poudre. Sinon, moi, ça, c'est une. Exact. Fait que, puis ce qui est le fun aussi avec les nouveaux qui viennent comme ça, ils sont tellement contents. Tu sais, il y en a qui viennent, mais t'sais, ils trouvent plus ça spécial. Ou même on est blasés. Il y en a qui sont blasés, il y en a qui skippent, t'sais, ouais, tout ça. Puis ça fait quand même... Là, ça fait 10 ans plus. Ça fait plus de 10 ans là, qu'on fait ça, à 1 et 2 par année maintenant. Donc, puis moi aussi, j'avoue, mon excitation n'est pas pareille comme au début, t'sais, les premières années. Où est-ce que là, j'étais tellement frébile au bout. Mais ça reste quand même le fun, t'sais. Mais on vieillit aussi. J'ai 10 ans de plus vieux aussi. Ouais, ouais, c'est fait que ma vibe est plus tough. Là, j'étais un peu plus pas pire. Mais les nouveaux, ils aimaient vraiment ça. Fait que pourquoi pas inviter un Patreon ou deux à un moment donné, là, faire une rotation. Hein. Moi, j'y crois. Ou on fait un événement pour les Patreons de Papa Cassette, quelque chose. Ça se fait tout, ça. Ou si vous voulez payer 1000$, why not? Ben oui, si vous voulez lâcher le billet d'or. On vend des passes, là, chères, là, tu sais. Il y en a qui vont venir. On fait un garden party privé Patreon chez nous, c'est 1000$ à l'entrée. Puis on a juste les affaires de commandite qu'on n'a pas payées. Fait ouais. Comme ça, on a encore plus de cash dans nos poches. Vous aurez juste des ailes de poulet à manger. Il y a un ami à Kevin Boily qui est venu, Bebleu, son surnom, avec qui... Il stream, là? Il stream avec lui. Puis il partait, là, genre du lac Saint-Jean. Ouais, le gars, il a fait 8h30 de route, là, je sais pas quoi, puis il est venu s'asseoir sur un sofa, puis on jouait à fucking Bentley Bear sur Atari 7800 en buvant de la bière. Mangeant des Doritos, là, je me sentais mal. J'étais comme, oh man, le gars, tu sais, il faut qu'on y en donne, là. Il a fait de la route, là, puis nous en on est là qu'on joue à un jeu d'Atari. Puis taper sur des machines d'arcade de Marble Madness. Du monde désagréable, chaud, là, ouais. Sur le gin tonic à... En plein milieu de l'après-midi. Pas sûr que vous voulez venir au WEG, finalement. Manger que de la marde. Ouais, de la marde bien, bien cuite, mais de la marde pareille. Exact. Aucun légume. On pourrait remédier à ça maintenant, par contre. Oui, là, ça, moi, légumes. Je serais d'accord. Là, ça se fait, là. Hey, Chris, même au dernier, on est allé manger au McDo avant d'aller au WEG. Guys, pas obligé, là, de qu'on... En tout cas, faut faire... Ouais, j'étais au Dieu du ciel, moi. Des sushis, là, ou quelque chose, une salade avant d'aller au WEG, là, ça passe mieux. Moi, je pensais qu'une poutine avant d'aller au WEG. Ah ouais, hein? Question de te préparer. Ouais. Avec une bière, une poutine au Dieu du ciel, on s'en va au WEG. Ça va avoir pris une pinte ou deux, là. Puis la première journée, on est tellement chaud. Ça va tellement vite, la première journée, ouais, comment est-ce qu'on tombe chaud, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est pas évident. Beaucoup d'excitation, ouais. Mais c'est très inspirant, tout ça. On vous aime, David. Puis on vous aime. Simon Lahaye, avec une drôle de question. Comment réagiriez-vous si vous appreniez que l'enseignante de votre enfant, enseignant ou aunte de votre enfant, avait une page OnlyFans? T'attendais pas à ça. J'ai vu les enseignantes de maternelle pour mon gars. J'irais pas m'abonner. Non. Non. C'est ça. Mais mettons, s'il y en avait une vraiment hot, puis tu savais qu'elle ferait du OnlyFans. Ils voient-tu les noms, c'est des abonnements, eux autres, ou c'est... On te demande pas si tu voulais te crosser sa prof. On te demande si, au point de vue de l'enseignement. C'est pour l'enseignement, je pense que c'est pas pour moi. Elle fait de la porn, là. Qu'est-ce que t'en penses? Ça a-tu ses cartes? Ça a-tu ses diplômes? Ses diplômes de porn. Ça a-tu ses diplômes? Ça a-tu ses diplômes d'enseignant? De construction. Ben oui, elle est enseignante. Elle a ses diplômes, elle est syndiquée, puis elle fait ça. Ça peut faire ça comme travail d'appoint. Je suis qui pour juger? Exact. Moi, je suis là aussi. Là. Je m'en fous complètement. Là. Par contre, si je la voyais sur TikTok commencer à dégueuler, genre... anti-ci, anti-ça, fuck tout, donner des grosses opinions, hyper. Non, mais ça c'est ça non. Ça me prouverait là. Que t'es pas une bonne professeure parce que t'es pas impartial. T'es pas là pour pousser des opinions dans la gorge des Absolument élèves. Absolument pas, jamais, tu sais. Puis si t'es aussi opinionné violemment sur TikTok, c'est que clairement en classe, tu dois pas être là, neutre. Mais tu veux filmer tes pieds pour abonnement, vas-y. Ben oui, je m'en sers. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux chez vous. T'sais, si t'es tout le temps batté à la maison ou ça poudre, ça va me déranger. Mais tu sais, comme tu fais ça, moi ça me dérange pas, ces affaires-là. Les profs qui font du contenu de TikTok à l'école, c'est non. Ben ça, tu vois, j'en ai vu. Puis, ben des fois, Je dis ses noms, mais des fois, il y en a qui sont bons, par contre. Là. Ouais, mais il y a Chose le prof, là, qui est ouais, super ouais. big, là, puis tout ça. C'est intéressant. Bon, là, il y a bien du monde qui vont dire c'est un petit gauchiste, puis tout ça. Moi, je trouve que non, il est très neutre, puis très correct, là, tu sais. Fait que, puis il n'est pas toujours d'accord avec le syndicat et vice-versa. Puis il est capable de dire il y a des profs qui sont vraiment pourris, là, tu sais. Puis il a raison, puis il y en a des très bons. Puis ça, c'est bien dialogué, tu sais. Ça, c'est intéressant, puis ça parle à tout le monde. Mais toi, ton prof d'éduc, genre, il est sur un podcast de hockey de gaucho, là. Je n'aimerais pas personne comme mon frère, là, mais il vient plus pour cette raison, d'ailleurs. Ah ouais, hein? C'est intéressant, ça. Ben, non. Moi, non, parce que je suis un gars chaud qui aime le sport. Fait que c'est ça, mais... Non, je pense pas, là. Les profs, ils se mettent chaud, là, tu sais, comme tout le monde. Oui. Puis, mais il y en a des profs aussi que j'ai vu se plaindre qui ont perdu leur job sur TikTok parce qu'ils se filmaient dans la classe. Mais c'était des affaires très anodines, là, quand même, tu sais. Mais c'est vrai que ça... c'est la part des choses. Ça montrait beaucoup la classe, tu sais. Puis, mettons, on parlait des élèves beaucoup, mais ça les pointait pas personnellement, là. Mais c'était révélateur. C'était comme de l'intimité de classe révélée au grand jour. Puis ça, j'avoue que... C'est un petit peu déplacé. T'sais. Genre une prof après les classes qui genre, se filme à son bureau et dit aujourd'hui j'ai un élève qui a fait telle affaire genre, puis qui dit ça sur TikTok. Dans ce genre d'affaires là, tu sais, ou bien genre oh my god, faut encore ramasser les affaires, tu sais, puis haha, je suis prof, je trouve ça tough, tu sais, ces affaires là. Ça, c'est pas neutre. Alors... Le trend de genre, ben oui, je suis un prof, c'est sûr que je fais telle affaire. Genre, c'est drôle une fois, c'est comme un lip dub ou genre une affaire. Faites-en un, là, puis après ça, faites-en plus. Là. Ouais. Ben, ça, tu sais, je veux dire, une affaire normale, ça pourrait, mais il y en a qui c'était tout le temps, puis ils ont perdu leur job. Fait que c'est ça. En fait, t'es ben, je trouve qu'ils ont été raides à. Celle-là que j'ai en tête, ça méritait peut-être pas. Elle méritait un avertissement. Là, okay. Son contenu n'était pas si violent, était zéro violent ni rien. Là. C'était un peu innocent, pas dans le sens une astuce innocente conne. Innocent dans le sens elle savait pas que, tu sais, un avertissement aurait dit là, c'est too much, là. Puis il y a des parents qui aiment pas ça, puis tout, puis voici les raisons, puis tu trouves pas que c'est un peu trop exposé, tu sais. Elle aurait fait, ah ben oui, excusez-moi, elle aurait fermé son compte, ça aurait été réglé, puis elle aurait sa job, puis tout le monde aurait été d'accord. La calisser dehors, je trouvais ça un peu raide. Fait que voilà. C'est drôle, on parle de ça. Drôle de sujet. Je vais-tu mettre un prof dans une petite case sur la bannière du show? Un prof. Parce que je mets tout le temps. Non, mais. Une prof sexy avec une règle. Non, oui. Parce que sur la bannière du show, j'ai trois cases. Je mets tout le temps trois sujets qu'on a parlé, dont souvent les critiques qu'on a faites. Puis des fois, quand on parle d'un sujet drôle dans les discussions, je le mets. Fait que là, je vais peut-être. Ça va prendre le dragon en métal de Sylvain Lyon, ça va pas cher. J'avoue. Badass. Dernière question de Dominique Ostigui, qui est présentement dans le chat et qui n'est pas content qu'on parle de hockey. Quel est le jeu vidéo de votre enfance qui vous a le plus flabbergasté pour l'époque? Pour ma part, Metal Gear Solid 1. Et question pour JF, quel repas cuisinerais-tu à une femme pour l'impressionner dans une première date? C'est une bonne question. C'est une bonne question, j'ai jamais pensé à ça. Ben, commence par ça. Ouais, ben, pense-y. Pense, ouais. Moi, le jeu, il y en a quelques-uns. Mortal Kombat 1 à l'arcade. Capoté, man. J'étais, waouh, c'est comme, on dirait, un peu du vrai monde. Puis là, l'arrachage de tête, man, je trouvais ça insane. Et puis, Mad Dog McCree, on en parlait tantôt, mais moi, quand j'ai vu ça, c'est vrai, c'est filmé, c'est du real time. Ben, pas du real time, mais c'est du FMV. Puis tu tires avec un gun dans l'écran, dans une télévision, là, avec du monde qui sont comme en train de faire un téléroman, là, puis tu tires, puis tu pètes des objets dans la télé. Capoté raide, là, tu sais. Puis les premiers jeux de Super NES, là, pour vrai, quand j'ai les early jeux, là, genre Joe et Mac, là, le gros dinosaure qui arrive, c'était le premier 16-bit que je voyais. Puis là, je suis oh mon Dieu, là, on est ailleurs. Wow, là, ouais. C'est quel, Mario World, tu sais, c'est puis ça, c'est encore fucking beau aujourd'hui. Là. Fait que ça, c'est mes gros jeux impressionnants, là. Tu sais, moi, la première fois que je suis arrivé à une arcade, puis j'ai pris une guitare de Guitar Freak, là, puis j'ai joué à ça, j'ai fait comme « Oh my God! » genre, ça se peut, ça. Ouais. Là, DDR à côté, « Oh my God, genre des jeux physiques incroyables. Tout ça, genre, j'avais capoté à l'époque, là. Ouais, ouais, ouais. Sinon, comme toi, là, les Super Mario World, ces jeux-là, là, tout le temps les gaps de génération. Le premier GTA 3, mon Dieu, OK, on est rendu là. Ah oui, là, hein, ça, c'était révolutionnaire en maudit, là. Ouais. Ben, sinon, un bouffe à faire une date, c'est dur à dire. Parce que faut que tu sois présent, tu peux pas être au barbecue tout le temps, à moins que c'est une date d'été et que la personne est dehors avec toi. Fait que t'es-tu... On sait que t'es bon barbecue guy, mais en dedans, t'as-tu un bon spaghetti, quelque chose? Oui, j'ai un bon spaghetti. Je peux faire un très bon vol au vent. J'ai un bon spaghetti. Un vol au vent, je peux te faire une sorte d'affaire. Un vol au vent, c'est très, très proche. C'est un peu repas de semaine, ça, là. Pas pour une date, là. Ben, n'importe quoi de viande, je peux faire. Un petit poulet rôti. Un rôti, je peux faire ça. Un petit risotto. Un petit risotto, c'est beau ça. Homard, quelque chose, une petite pince d'homard là, déposée. Ah, une pieuvre grillée là, au charbon. Oui. Des tentacules, c'est bon ça. Ça, faudrait que tu y dises d'avance par contre. En fait, non, mais je pensais faudrait que je m'en fasse pour moi. J'aime ça. Ouais. Ça dépend de la fille aussi. C'est végétarienne. Si elle est végétarienne, on a un Christi de problème parce que moi, je suis tellement pas le gars de légumes là que. Écoute, si elle est végétarienne, je peux me débrouiller. Ça serait pas une date parce qu'elle l'aurait déjà dit. T'aurais dit, ah ben ça ira pas plus loin, ma chère. Ça peut s'arranger. Mais ça s'arrange. Tu peux faire des bons légumes grillés. Oh ouais. Tout ça se fait là. Une bonne quiche là. De la fausse viande. Ouais, avec mais un hamburger, mais tu sais, avec une tranche de chou-fleur là. Ils sont mis à faire un steak de chou-fleur là. Un hamburger avec une aubergine. Des aubergines, ouais, des affaires de courge là. Tu y fais une ratatouille, man. Moi, j'ai pensé que faire de la cuisine, c'est juste être capable de lire une recette puis de l'exécuter là. Ouais. Fait que n'importe quoi là qui se fait. Mm-hmm. À la guise de la personne. Mais si elle s'aitente puis c'est dehors puis que c'est la vibe est good puis qu'elle sait que tu fais du barbecue. Je pars le fumoir. Tu pars ça puis prenez un verre dehors puis tu checkes ça sur le site puis vous rigolez. C'est un mood genre d'été de même. Je pars des côtes levées là ou quelque chose du genre. Là. Ouais. Un truc à long terme là. Ouais. Un long processus. Là, tu lui dis, apporte ton bikini, fille, on va se baigner pendant que ça se moque. Amène ton bikini, fille. Puis, comment qu'elle est bonne, l'eau, fille. Tu es très, très creepy, très vite, là. C'est très drôle. Ça, je date pas, je pense. Puis, on est bien ici, hein, fille. Tu pourrais venir chez nous, je pourrais te raconter des histoires. J'ai un garage, tout. Un gros garage. Oh, boy. Ah! Hein? J'ai le envie Goupil de parler 14. Hôpital en France. Bonjour, j'ai envie de parler d'hôpital en France, s'il vous plaît, important. OK. Ah, il veut parler d'hôpital en français, s'il vous plaît, c'est important. Ouais, pas nous autres. Pas nous autres. Ça me semble être genre de je sais pas quoi. C'est ça. Alors, ben c'était la dernière question de toute façon. Effectivement. Alors, tu es très versatile au niveau de la nourriture, alors la personne, la first date qui ira chez toi sera comblée. Sera très chanceuse. Elle sera chanceuse. Elle va être chanceuse. Ma chanceuse. C'est une astuce chanceuse. Chanceuse au niveau culinaire, gastronomique. On va pas faire ça. On va faire comme t'as dit au fond, on va aller me guetter de la cocotte. Elle se guette de la cocotte, oui. Alors, cet épisode 160, mesdames et messieurs, était le dernier. C'est fini. C'est fini. On vous annonce ça. Ciao. Non, parce que là, on a un spectacle. Mais dans deux semaines, tu seras pas là. Qu'est-ce qu'il dit, le Goupil? Je comprends rien. Donc je peux venir, c'est ça. Venez. On a rien compris. On comprend rien. On comprend rien quand tu parles. C'est dans Slapshot. Ouais, ouais. Comment il s'appelle déjà? Pas Maurice. Maurice? Hein. Ouais, c'est Maurice. Maurice, asti, tu m'écœures quand tu parles. Donc, la semaine prochaine, il n'y aurait pas de spectacle. Ben non. Mais l'autre semaine d'après, il y en aurait un, mais je serai en vacances. Et en vacances, effectivement. Ensuite, il n'y a pas de spectacle. Et ensuite, il y en aurait un le 30 juillet. Oui. Et là, tu es-tu là? C'est deux jours avant mes vacances, donc oui, je serai là. OK. Et Dom, je te parlerai de la deuxième moitié de la saison 2 de la Playdate. Parfait, ça. Ça finit demain, d'ailleurs, dernier jeu. Bon. Qui est là. Moi, je vais avoir joué à plein d'affaires, c'est sûr. Fait que je pourrais parler de tout ça. Je vais aller dans des villes. Je m'en vais à Baie-Saint-Paul. Ah oui, oui, finalement. Oui, au festif. Je vais assister au festival de musique. On va aller voir les Delaware Chuck sur la scène gratuite. Nice. Et puis notre ami Brizard va être là aussi. Ah, c'est cool, ça. Fait qu'on va se croiser là, man. Puis on va croiser la pinte. Ben oui, c'est clair. Wow. Comme on dit, je viens juste d'inventer ça. C'est un beau terme. Se croiser la pinte. Fait que, puis qui sait, s'il y a une petite boutique dans ce coin-là, m'a essayé de trouver de quoi, là, tu sais. Je pense pas, moi non plus. C'était à Québec, là, mais... Hein. Mais chose excitante aussi pour Retro MTL, on est supposé, ce samedi, faire l'acquisition d'un full set NES. Oh! Donc, on va avoir la librairie complète, sans Stadium Events, mais avec les Little Samson et tous les gros, gros jeux. Fait que ça va être quand même, je sais plus combien, 4, 5 full set NES qu'on rachète. Fait que c'est supposé arriver ce samedi. Alors, la semaine prochaine, on va le vérifier, tout ça. Donc, pendant que je vais être en vacances, tout ça va commencer à se process. Mais je vais faire une petite vidéo pour essayer de me présenter tout ça. Alors, voilà. Et puis, j'ai un auditeur aussi qui a communiqué avec moi, qui voudrait vendre sa collection. Peut-être qu'il passera en début de semaine prochaine. Beaucoup de ventes de collection là, ces temps-ci. Donc, on fait le plein, vraiment, de jeux. On est cool. Super hype. Alors, suivez les pages sociales de Retro MTL pour ne rien manquer de ça. Fait que le 30, le prochain show. L'autre d'après, moi, je suis pas là. Le 13 août, je vais être à Toronto, du 11 au 14. Fait qu'on checkera si on recédule cet épisode-là ou quoi, là. Bon, ben, il n'y a pas de problème. Je m'en vais voir les Blue Jays et je vais aller au Tilt à Toronto pour aller jouer des arcades et les machines. Quand je suis allé à Toronto, c'est avec mes enfants qui étaient petits. Fait que j'ai fait aucun nightlife. J'aimerais vraiment retourner à Toronto pour refaire les boutiques et le nightlife. Là, j'aimerais beaucoup ça. C'est prévu que ma première soirée, je m'en vais au Tilt puis je me mets 10$ de free game là, puis je joue à tout puis je prends des photos de tout ça. Ben oui, j'en parlerai dans l'autre reportage. Show d'après. Oh, absolument. Un reportage. Puis il y a bien des affaires aussi qui vont se passer au mois d'août. Pour être MTL, on va à l'Otakuton. Puis on a un autre projet bière, en fait. J'ai déjà fait un petit teaser de ça. Il y a une couple de mois, ça va sortir au mois d'août. On vous tient au courant là-dessus. Donc, on ne pourrait. Puis notre nouveau site web va launcher aussi. Donc, on a un asti d'été chargé chez Retro MTL avec les vacances et tout. Donc, on s'ennuiera pas. La semaine qui demande si je vais aller au temple de la renommée du hockey. Oui, effectivement. Vas-y. À chaque fois que je vais à Toronto, j'y vais. Puis je vais payer mes respects à la Coupe Stanley à chaque fois parce qu'elle est là. Oui. Ouais, sur mon chemin vers le Distillery District, je vais aller arrêter là. Je voudrais des petites photos sur elle. Moi, j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé ça, le temple de la renommée. Là, vraiment. La fois que je suis allé, j'avais pas eu beaucoup de temps, puis il y avait genre un genre de film là, qu'on pouvait écouter que j'avais pas eu le temps de regarder, puis je voulais prendre plus de temps pour vraiment lire les fiches, puis tout. Fait que je vais aller effectivement au temple de la renommée, qui est dans un centre d'achat random à Toronto. C'est vraiment bizarre. Il y a un esti gros bar sportif là, avec 10 000 écrans. Je vais aller là aussi, trois étages. Là, ça, j'ai découvert ça par hasard. C'est mon classique annuel d'aller voir les Blue Jays puis de faire ces places-là. Ouais. J'aime bien ça. Un beau voyage. Ah oui. Manger au Mövenpick à côté. Ah, ça doit être de ça qu'on parle. Tout faire ça. Voilà. Yes. Bon, ben, on remercie tout le monde. Suivez les médias sociaux de Papa Cassette et Retro MTL aussi. Puis, écoute, on souhaite un beau mois de juillet. Ben oui, bonnes vacances. On se revoit le 30 juillet, tout le monde. Yes. Ciao. Ciao.